Bonsoir les gens, comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien tous. Alors, nous allons commencer ce live jeu de rôle. Petit live JDR entre nous tranquillement. J'ai juste quelques petits ajustements à faire. Voilà. Hop là, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce soir, nous allons jouer à Vampire. Alors, paf! Voici le superbe layout, comme vous avez pu le voir hier, pour les gens qui ont regardé le stream hier soir, pour celles et ceux qui ont regardé la VOD disponible sur YouTube qui a été mise cet après-midi. Donc on va jouer avec 4 joueurs et joueuses. Je les ramènerai un par un puisque le comment le tout le truc du jeu va être amené un par un. Je vais commencer par notre premier joueur. Je vais commencer par notre premier joueur. Je vais leur laisser quelques petites minutes pour se préparer. Parce que je les ai mis dans un salon. Je les ai mis dans un salon privé exprès pour qu'ils ne soient pas là dès le début. On va les prendre un à un. On va commencer par notre cher David, que je vais ramener immédiatement. Bonsoir David. Salut. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Mais écoute, ça va très très bien. Donc comme je racontais, on va faire un petit peu votre backstory très rapidement et privé. Voilà, vous allez Je crois que passer. Chris n'a pas compris. Alors, je vais rebouger notre cher Sigrun. Non, alors. Putain, je peux pas la bouger. Voilà. Ok, très bien, ça Ça a fini commence par bien, c'est marcher. bon. Ça commence bien. Donc, David, notre très cher David. Alors, je vais retrouver ton nom en entier. David Sullivan Keller. David Sullivan Keller, bien entendu, qui n'est pas du tout DSK. Du tout. C'est Pas pas plus du tout ça, ça n'a rien à voir. Aucun sous-entendu, aucun lien aucun. de parenté. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire David? Physiquement. Physiquement, c'est quelqu'un d'assez banal. C'est quelqu'un un peu passe-partout, qui a un physique que tu oublies assez vite en fait. Quand tu le vois passer dans la rue, le gars, t'y fais pas gaffe. C'est quelqu'un qu'on a énormément joué durant son ancienne carrière. Je n'en dirai pas plus. Alors justement, ton ancienne carrière, tu étais flic. C'est ça. Tu étais flic et tu as commencé à avoir des petits moments un petit peu tendus, hein? C'était pas tendu pour lui, c'était plus des moments d'absence en fait qui ont causé quelques soucis au niveau de ses collègues, au niveau de sa carrière aussi. Genre, il garait une fois vous deux, donc ça commençait à poser un peu des problèmes au commissariat. Voilà, ça a été ça. Du coup, tu es parti. Non, tu as été viré, je ne sais plus. On m'a poussé gentiment vers la sortie, on m'a fait comprendre que ça serait mieux de partir. C'est ça, on t'a fait comprendre que c'était mieux de partir, mais tu voulais pas abandonner, donc. Je voulais un peu rester quand même dans le système d'enquête, du coup je me suis orienté vers une carrière de détective privé juste après. D'accord. Et donc, là où on va commencer, tu es sur une enquête. Justement, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enquête sur laquelle t'es? Bah, c'est un truc tout con parce qu'en fait, j'ai quand même une réputation un peu de bras cassés à cause de mes absences. Du coup, en général, j'ai des petites enquêtes à la con, genre retrouver un chat dans le quartier. J'ai rarement des clients un peu plus gros qui viennent vers moi. Là, c'est ça, en fait, c'est une petite vieille qui m'a engagé pour retrouver son chat. Et le chat, bah pour le moment, tu l'as pas retrouvé. Bah non, je suis toujours en train de chercher, c'est le but d'enquêter en fait. T'es toujours en train de chercher, et justement, en fait, t'as entendu parler d'un petit trafic en fait. T'as demandé à droite, à gauche, et on t'a dit que bah commençait à y avoir des trucs un peu chelous dans une vieille maison. Alors j'ai oublié de préciser, tout se passe à Seattle, hein. La très belle ville de Seattle. Et donc on te dirige vers une très vieille maison qui est un peu bizarre. Elle est très, c'est dans un quartier bon très mal famé, faut le dire. Trafic de l'herbe à chat. Ben en fait, ce serait plus il trafique des chats. Ça s'assume moins facilement. Il trafique des chats, mais tu sais pas trop dans quel but, en fait. C'est ça le truc. Après, c'est ce qu'on t'a dit, t'es pas certain. Donc du coup, t'y es allé. T'as décidé de t'y rendre. Et donc là, actuellement, t'es devant cette maison. Grande baraque. Vraiment, genre, très très grande, tu vois. Les grandes maisons américaines sur 4 ou 5 étages. T'es là, Ah oui, t'es devant, mais. c'est plus un manoir du coup, 4 ou 5 étages. Bah, on dirait en fait un espèce de croisement entre une maison, genre imagine la maison des Sarliwell dans Ouais. Charmed et un HLM. D'accord. C'est un peu bizarre. Mais sauf que bah devant il n'y a pas de porte en fait. Il n'y a pas de porte d'entrée. C'est moins pratique. C'est un peu moins pratique. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'encadrure de la porte, hein, mais il n'y a pas la porte. Frappe comment du coup? Je rentre directement. Ah bah ouais, tu rentres directement. La Coucou! première chose qui te frappe en fait, c'est que ça pue. Mais d'une force. C'est un enfer. Ça, t'as un espèce de relent de toutes les odeurs horribles que tu puisses imaginer. C'est-à-dire de la viande en décomposition, check. De la pisse, check. De la merde, check. Du vomi, check. Ton haleine, Mon check. haleine, check. Et ça, c'est un peu le, tu vois, les quatre précédents ramenés en un, tu vois. Donc ça marche pas trop. Du coup, tu t'avances en fait à l'intérieur. Coucou, T'as il y a des quelqu'un? bruits, des gémissements. Mais pas des gémissements de plaisir en fait. Juste. Ça, c'est pas un chat. Et c'est pas un chat, non, ça c'est clair. Ah, c'est des camées. Il y a des camées de partout, en fait. Et tu comprends que c'est un squat. C'est sale. T'as un mec, en fait, sur ta droite. Il est littéralement allongé, nu. Il a encore une aiguille dans le bras. Avec la ceinture qu'il a utilisée juste à côté de lui, tu vois. Bonsoir, un garrot. Il est allongé sur le bide. Donc t'as son cul, tu vois, en pleine vue. Il est passé à plus fort que l'herbe à chat, lui. Ah, clairement, clairement. Et il y a une mare de vomi, genre juste à côté de sa bouche. Et ça goûte encore, tu vois, de sa bouche. C'est le mec qui Appétissant. s'est vomi dessus, c'est absolument magique. À gauche, il y a une meuf. Tu comprends pas. Ça a l'air d'être genre une petite blonde, tu vois. Qui est dans des vêtements, mais alors dégueulasse. Mais complètement dégueulasse. Et elle est là, elle regarde. Et elle regarde à droite et à gauche. Et à droite et à gauche. Et. Elle a l'air, mais ils ont tous l'air morts, quoi. T'en as un au fond de la salle qui est en train de faire des ronds sur lui-même, super vite. Tu vois, il tourne en rond. Et là, il est en Il train de prend pour parler. Beyblade. Ah ben, il est en train de parler. Enfin, tu comprends rien. Enfin, il est complètement. Lui, tu sens que c'est de la coke qu'il a pris, hein, clairement. Le mec, il est encore à fond dans son truc. Et bah, du coup, tu avances. Tu avances, tu avances. Et puis t'entends des. J'évite de marcher sur le monsieur tout nu quand même et Bah son évite, vomi ouais. Bah aussi. après il est contre un mur, tu vois, il est sur un matelas contre un mur, donc c'est vrai que t'aurais du mal à lui marcher dessus, mais. Sait-on jamais. Mais sait-on Trébucher, j'arrive jamais. vite. Et du coup t'entends du bruit en fait au premier étage. Est-ce que c'est du bruit léger ou plus sourd, des pas qui sont assez lourds? Ah bah il y a des pas et il y a aussi des. Ah, c'est soit un serpent, soit un chat. Je sais pas, t'imites très mal. Très clairement un chat, très clair. Suce! Suce, c'est très clairement un chat. Du coup, dans le doute, je monte doucement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Bah, t'es en train de monter. Tu vas juste rapidement me lancer, juste très bêtement, un dé D6. Un D6 tout court. Ouais, juste un D6, comme ça. Hop, attends. Ça va être le petit moment de. Oh, ça commence bien. Alors. Donc Ok, voilà. effectivement, en fait, t'es en train de monter. Et puis, bah, d'un coup, en fait, t'es en haut. Et t'as 4 mètres devant toi. Regarde, ils font, t'es qui toi? J'ai perdu mon chat. Tu sais, T'as je le dis perdu ton chat. avec autant d'enthousiasme. T'as Je le prends perdu ton chat, c'est pour un ça. con. Tu me prends pour un con, peut-être. Non? C'est le mec qui est toujours avec autant d'enthousiasme, T'en hein, as un c'est. qui te chope en fait. Il te chope. Il te balance contre le mur. Le deuxième, il pose son bras, son avant-bras sur ta gorge. Tu te colles bien au mur. Et t'as le troisième, celui qui t'a parlé, qui se met, c'est genre bien en face de toi. Il te regarde, il fait, qu'est-ce que tu fais là? Ça va être la dernière fois que je te le demande. Est-ce que le mec qui me tient sur le mur, je peux faire la bagarre, je peux lui mettre un coup direct dans la gorge? Tu peux essayer de faire la bagarre, il n'y a pas de souci. On va tester la bagarre. Sauf que par contre, clairement, tu n'as pas. T'as pas tout. Alors attends, je vais te retrouver, tu es juste ici. Tu mets un moins 3 D'accord. en mode pool. Physique plus bagarre. Hop, attribut. Enfin, force, pas physique, bagarre. 3. Et difficulté, tu vas mettre 8. Ce qui sont Ah. quand même 4. Moi, j'en vise que un pour l'instant. Je vise pas les quatre. C'est juste celui qui me tient pour qu'il me lâche. Ça reste 8. Ça reste 8. On a essayé de négocier. Ça ne s'est pas lancé. Un succès. Un succès, donc. J'ai quand même fait 2-9. Il a fallu qu'il y ait un 1 qui nique Ouais, le c'est quand même beau. Donc, tu lui mets un, je suppose que tu mets avec la tranche de la main. La tranche de la main dans la La gorge, tranche de ouais. la main dans la gorge. Bam! Tu vois le mec, il s'attrape la gorge directement. Il est en train d'étouffer. Sauf que bah, il y a les trois autres qui te tombent dessus en fait. Les trois autres ils te chopent et ils commencent à te matraquer, tu vois, des coups de poing, des coups de poing, des coups de pied. Et tu les repousses un peu, tu vois, t'es en train d'essayer de t'extirper de tout ça. Et d'un coup, t'as une sale douleur en fait au côté. T'as une sale douleur au côté et t'arrives plus à respirer, t'arrives plus à bouger. Viser les côtes de l'enculé. Et tu baisses les yeux et tu vois en fait du sang qui coule, une grosse tache de sang qui se fait sur ton haut. Alors je pense que t'es en t-shirt. Oh non, j'étais avec un pull, enfin une chemise plus. Ouais, bah tu vois en fait sur ta chemise, genre une grosse tache de sang qui se fait, puis t'as une marque, enfin clairement il t'a poignardé en fait dans les côtes. T'as donné un grand coup de poignard dans les côtes et tu te sens genre. D'un coup, t'es pas bien quoi. Il continue à te tabasser, il continue à te tabasser. Jusqu'au moment où bah tu t'évanouis, tout simplement. Ça fait pas du bien. Tu t'évanouis et puis tu le comprends, c'est la fin là. Et merde, j'ai toujours pas trouvé ce chat là. Con en plus, c'est t'as la dernière pensée de merde qui arrive. T'es en train de partir. Puis d'un coup, tu rouvres les yeux et il y a la blonde de tout à l'heure. Tu te souviens d'elle? Celle qui regardait à droite et à gauche. Elle te regarde, elle fait, oh, c'est moche ça. Oh, c'est moche. Oh, c'est pas bien. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Oh, putain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah! Mais je sais! Je sais! Et d'un coup, elle chope ta tête. Elle te regarde droit dans les yeux, elle fait, bon, écoute, ça fait mal, hein? Mais Au voilà! niveau douleur. Et d'un coup, en fait, elle commence. Tu sens sa bouche qui s'approche de ton cou. T'as une C'est grande gentil, mais douleur. on est. C'est juste quand je vois la bouche arriver, on se connaît pas encore assez. T'as une grande douleur. Et c'est fini. D'accord. Et jusqu'au moment où tu te réveilles quelques heures plus tard dans la même pièce avec elle à côté. Et elle est là, elle fait: Ah, bon, bah ça a l'air d'aller mieux. Ça va bien? Je Tout va bien? me redresse. Je tape les côtes là où j'ai pris le coup de couteau quand même. Ah bah t'as plus rien. T'as plus rien S'est du tout. passé quoi? Ah Il s'est passé je t'ai sauvé en fait, hein, t'étais en train de mourir, et puis je t'ai sauvé, hein, tout simplement, je t'ai sauvé, voilà, t'es vivant. Enfin, vivant. Vivant, c'est un bien grand mot, tu vois, t'es pas vraiment vivant, hein, mais t'es pas mort. Bah, pas complètement mort non plus. Un petit peu. Mais on fait ce qu'on peut, hein, écoute. ça, c'est le moment où je phase. Hein. Là, je comprends plus ce qu'elle raconte. Mon perso a une absence à ce moment-là. Regarde, non mais vas-y. Allô, t'es avec moi? Allô? Hein, quoi? Allô? Oui, tu faut rester avec moi, hein? J'ai du mal à comprendre le concept. Concept de quoi? Bah, si t'es pas vivant, t'es mort. Si t'es pas mort, t'es vivant. Pourquoi? Hein, je comprends pas. Allez, mais non, non, parce que alors en fait, je suis un vampire. Et toi aussi, du coup, maintenant. Mais c'était ça où tu mourrais ici. Et il est où le chat? T'as vu un chat? Le gars, il veut pas accepter le truc et il reste, il nie un peu son esprit là en mode non, mais je veux finir mon enquête, arrête ces conneries, c'est. Le chat. Oui, le chat il était avec eux, mais ils l'ont pris. Et nous va falloir qu'on aille dormir, hein. Parce que le jour il va se lever, en fait. Et du coup, si tu vas au jour, tu vas mourir, quoi. Donc viens, on va aller dormir. Mon appart, il reste pas trop loin, je crois quand même, c'est resté dans le quartier normalement. Il est un poil loin. T'en as pour peut-être une bonne demi-heure à y aller à pied, quoi. Ouais, le jour sera pas levé en une demi-heure. Non, tu sais pas trop, hein. En fait, tu vois trop rien. Parce que toutes les fenêtres Sont obstruées. voilà, elles sont toutes bouchées. T'as des grosses planches, t'as des gros trucs en fait qui sont mis par-dessus pour complètement cacher les fenêtres. J'ai quand même une montre normalement. Je sais à peu près quelle heure le soleil se lève, donc je pourrais regarder sur ma Ouais, montre. tu regardes, il est à peu près 6h du mat, quoi. Et il se lève vers quelle heure? 6h30? Ouais, il va se lever d'ici un petit quart d'heure. À tout péter, hein. Ah, ça risque d'être embêtant. Ça risque d'être embêtant. On va dormir où du coup? Parce que Ah, mais il y a c'est un peu loin des. chez moi. Mais non, il y a des chambres en haut, hein. Ah, bah oui, Ouais, mais quand il y a même. des gens tout nus un peu partout, c'est Ah, un peu oui, non, mais les bizarre. junkies. Oh, les junkies, non, ça va, les junkies ont l'habitude. On connaît, t'inquiète pas. Ils te feront rien, ça va, ils sont pas. Ah, puis de toute façon, maintenant, t'es fort, hein, je veux dire. Du coup, je C'est vais qui la se suivre faire. un peu quand même. Ouais, bah en fait, elle t'emmène au deuxième étage, en fait. Et vraiment, au deuxième étage, c'est une sorte d'appartement, tu vois. Il y a plein de petites chambres, pareil, toutes les fenêtres, elles sont obstruées et tout. Et t'as quand même déjà pas mal de monde qui sont couchés, quoi. Tu vois. T'as quand même pas mal de monde qui sont couchés. Donc elle te montre un lit, elle fait: Ouais, Bah, vas-y, je la c'est le regarde, mien. puis je fais, eux, c'est des drogués ou c'est des comme toi? Ah, bah, c'est des vampires aussi. Qu'est-ce que tu crois? D'accord. Les drogués, ils Quand sont même là beaucoup parce de monde. que. Les drogués, ils sont là, c'est sympa, hein, tu vois. On a notre petit truc, hein, mais voilà, c'est cool. Du coup, moi, je m'allonge et je phase à nouveau jusqu'à temps que je m'endors là. Voilà. Faut que je digère un peu tout ça. Et ben, je te laisse digérer tout ça. Je vais te redéplacer. Donc, merci David, et puis à tout à l'heure. À toutes. Voilà. Donc c'était David. Alors j'ai un problème avec mon chat. J'ai un problème avec mon chat. Pas le même type de chat que notre cher David. Mais je ne vois pas mon chat. Je ne vois pas mon chat sur mon logiciel de stream. Alors je vais juste vous demander 2 petites minutes. Parce que c'est un petit peu dommage. Je vois qu'il y a des gens qui parlent dans le chat. Malheureusement, moi, je ne vois rien. Alors, où êtes-vous? Nous sommes juste ici. Je vais mettre la vidéo en pause. Je vais garder le chat sous les yeux. Donc bienvenue hein, à tous les gens du chat qui sont présents. Je suis désolé si je vous ai pas si je vous ai pas parlé. Mais voilà, je garde maintenant le chat sous la main. Je vais le sortir. Pop out. Voilà, je vais me mettre mon chat juste ici. Donc je vais tenter très rapidement de lui mettre un petit message. Ok. Ouais, ok, non. C'est bien mon chat à moi qui est cassé. Ça ira beaucoup mieux maintenant. Je vais appeler notre cher Rissam. Je lui laisse encore quelques secondes pour se préparer. Les gens du chat, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi demander, puisque je voyais des choses dans mon chat. Les gens du comment du jeu quitter le stream ou couper le son. Le but de le faire un par un, c'est que certains n'entendent pas ce que font les autres. Voilà, si vous êtes en train d'écouter, partez, hein, ce sera bien plus facile. Parce que voilà, c'est un petit peu privé hein, quand même ce qui se passe. Voilà, donc sur ce, je vais faire monter au micro notre cher Rissam. Bonsoir Rissam! Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Écoute, ça va très très bien. Alors, comme tu l'as vu, on va appeler tout le monde un à un pour faire les backstories. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Rissam, s'il te plaît? Ouais, je vais essayer. Donc, ça s'appelle un jeu. Je m'appelle Riss. Attendez, j'ai mis un petit bug là. Il n'y a pas de souci, Donc, t'en fais pas. j'appelle Rissa Minimata. Donc, je suis une jeune femme enfin, vivant. Enfin, je sais pas du coup comment j'aurais parlé. Ah, Bref, donc je tu es suis. vivante, tu es Ok, vivante, donc. tu es très vivante. Donc, je suis une peintre professionnelle de 29 ans. Je crois que c'est ça. Et du coup, bah, j'ai mon père, c'est un homme d'affaires maghrébin et ma mère est une prof. Une petite prof française, voilà. Et à un moment, bah, dans ma vie, je suis parti à Paris pour me faire connaître dans le monde de l'art. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Et ça a fonctionné, hein? Ça a fonctionné, parce que je suis assez connu dans le monde entier. Tu es même très connu, hein? Oui, Très tu es connu, très très très connu. Tu es une oui. Merci. peintre de renommée mondiale. Du coup, ce que tu me disais, c'est que tu as un de tes tableaux qui a été dérobé. C'est ça. Un de tes tableaux qui a été dérobé. Alors je vais te poser la même question que j'ai posée à David juste avant. Est-ce que tu peux nous décrire par contre physiquement Rissam, s'il te plaît? Bah, elle est sur le sur le donc elle est rousse déjà D'accord. assez grande, les yeux noisettes, une queue de cheval pour les cheveux, je me dis. Et ensuite, niveau peau, elle est un peu, enfin, elle est un peu mate, puisque par rapport à ses origines maghrébines. Puis après, le look, bah, elle s'habille assez léger. Voilà, bah, un top de sport là qu'on met pas pour le sport. Et le bas, bah, c'est ses pantalons en cuir avec des bottes en cuir et un petit string qui efface. D'accord. Donc ton tableau a été dérobé. T'as essayé de le Logiquement. chercher un petit peu, Mmh. quand même. Enfin, jusque-là. Pendant un moment, en fait, tu t'es un peu tapé contre des murs. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Jusqu'au jour où il y a ce mec qui t'a contacté. Un Finlandais. C'est un Finlandais qui s'appelle Tapani, qui t'a envoyé un message, en fait, en te disant que bah, ton tableau, il l'avait trouvé. Okay. Ton tableau, il l'a trouvé. Enfin, il l'a pas trouvé, mais il sait qui c'est qui l'a. Ici, où il est Si là. tu veux. Il sait qui c'est qui l'a, il sait où il se trouve. Donc, il t'a donné une adresse. C'était à Oslo. T'y aller et t'es passé, mais vraiment à ça, tu vois, de retrouver ton tableau. Il était devant toi. Il était là. Malheureusement, le mec s'est barré. Le mec qui l'avait s'est barré avec. Donc le gars, vous l'avez suivi jusqu'à Tokyo. Encore une fois, c'est pareil. Au moment où vous alliez récupérer le tableau, le mec il s'est barré. Tu l'as suivi à Montréal. Et encore une fois, le mec, au moment où tu allais choper son tableau, il s'est barré. Et là, actuellement, tu es à Seattle. Si vous savez déjà. Aux États-Unis. Parce que je suis nul en géographie. C'est à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Non, je regarde sur map. Et c'est une ville très très sympa, hein. Il y a beaucoup de choses. Et Tapani, pardon, t'a donné un rendez-vous nocturne, encore une fois, en te disant, je le sais, il est là. Ton tableau, il est là. Et on va te le récupérer, tu vas voir. Donc bah t'es parti le retrouver. Je suppose, t'es parti le retrouver. Et il t'amène devant un espèce d'entrepôt, en fait. Tout Ok. un complexe d'entrepôts. Entrepôt de quoi? Pas. C'est juste des entrepôts, tu sais pas trop. Toi, t'y connais Ok. rien, hein? Oui, ça va. T'y connais rien là-dedans, il y a plein de caisses, il y a plein de trucs entreposés. T'es là, genre, ouais, ok. Oui, ouais. Un entrepôt près de la mer, en fait. C'est Oui, ça? clairement, hein. Clairement, tu sais, alors, les grands entrepôts, les entrepôts à deux étages, tu vois. Genre où t'as sur le rez-de-chaussée, t'as donc toutes les marchandises qui sont entreposées, qui sont prêtes à être envoyées, etc. Et sur le deuxième étage, t'as plus des bureaux. Ouais. T'as plus des bureaux. Et donc, bah, t'as ta panique qui est là. Et il te dit, bon, bah, on va y aller doucement, il est tout en haut. Troisième bureau. Donc il commence à avancer. Donc tu le suis, hein, je suppose. Mais je le sais. Il est là, on pense à Il est 2 heures du mat à peu près. Hein. là. Ok. Il est 2 heures du mat, c'est très très calme. Il n'y a pas de lumière. Il y a de la lumière nulle part, tu vois, tout est éteint. Sauf justement une petite lumière au troisième bureau. Une fois que t'es monté, c'est des grandes marches en fer, alors vous y allez très très doucement tous les deux. C'est les grandes marches en fer, pareil, hein, il y a une plateforme, si tu veux, sur le dessus de l'entrepôt qui donne sur les bureaux, qui est en fer aussi, donc faites très attention. Et justement, dans le deuxième bureau, tu vois une lueur rougeâtre. Okay. T'as une lueur rougeâtre. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Dans le deuxième bureau. Dans le troisième. Troisième. Déjà, je demande à ta petite La panique. ta famille, je vais y arriver. Sur la ta famille, si on y va ou pas déjà. Doucement. Ah bah ça dépend, si tu veux récupérer ton tableau, oui on y va. Après, si t'as pas envie d'y aller, moi j'y vais pas. Hein. Bah si. Bah écoute, vas-y, je te laisse ouvrir la marche. J'ouvre la marche, ouais, du coup. Je rentre doucement, discrètement. D'accord, t'ouvres discrètement la porte, tu baisses un tout petit peu la poignée, tu pousses la porte. Et là, tu vois un grand mec, en fait, assez grand, type baraque, qui est devant un feu, il y a ton tableau qui est juste à côté. Il a posé, alors c'est un feu qui a été fait à l'arrache, hein. Clairement, c'est le machin, t'as des bouts de bois qui ont été posés, tu penses d'ailleurs que c'est des morceaux de palette. Plein de palettes dans l'entrepôt. Le mec, il a dû choper des morceaux de palettes, les mettre les uns sur les autres, allumer un feu, et puis YOLO, hein. Et il y a quelque chose qui te choque. C'est que le gars, tu vois qu'il a ses deux bras en avant. Et sauf qu'il y a un bras, tu vois, un bras qui est en train de tomber, en fait, au niveau de son torse. Et donc tu t'avances discrètement. Puis là t'entends, ah oh, putain, mais t'es sérieux? Et tu te retournes, c'est ta panique qui vient de dire ça, quoi. Et tu vois l'autre mec, en fait, le voleur, qui se retourne, qui a deux énormes crocs. Il tourne la tête comme ça. Et tu vois, hein, clairement, il tient quelqu'un dans ses bras. Et le mec, il a du sang plein la gueule. C'est pas une bouche, c'est une gueule, tu vois. Il a du sang plein la gueule. Et il te regarde avec un grand sourire. Il te regarde avec un grand sourire. Et t'as ta panique est là, genre, non, mais mec! Putain, on avait dit 2 heures, tu devais pas te nourrir! Putain! Il te regarde, il fait, bon, bah, Rissam, je suis désolé, hein. Et d'un coup, il te chope. Et il te mord à la gorge. Ah, ok. Et tu t'éteins. Comme ça. C'est qui me mord, le mec que je connais pas? Ah non, c'est Tapani. C'est ton pote. Tapani. Ok. Et tu te réveilles quelques heures plus tard. T'es toute seule dans l'entrepôt. Et tu sens un truc bizarre. Tu vois, genre t'es un peu plus développé, dirons-nous. Niveau de quoi? Ah bah tu te sens plus forte, tu te sens Ok, je comprends. plus... Justement, il y a ce moment où tu es là, tu es en train de phaser un peu, tu te demandes ce qui se passe. Et tu... Clairement, la mouche qui est à 2 mètres derrière toi, tu l'entends. Et tu entends comme si elle était devant toi. Et là, tu te rends compte, il y a quand même peut-être quelque chose qui est en train de péter un câble. Voilà. J'ai quand même récupéré mon tableau ou pas? Ah bah pas du tout, il n'y a plus personne, il n'y a plus de tableau, il n'y a plus rien. Ok. Et sur ce, je te remercie, Rissam. Un plaisir. Et je vais te renvoyer avec les autres. Et nous allons appeler notre prochain joueur. Nous allons appeler notre prochain joueur. Hop là. Voilà, je vais appeler notre prochain joueur que je vais ramener incessamment sous peu, dirons-nous. Je vais lui laisser encore une fois quelques minutes pour se préparer et je vais la ramener. Oh là, je fais n'importe quoi. Je vais la ramener. Bonsoir Sigrun. Bonsoir. Alors, Je suis Sigrun. tu vas me corriger hein, si je dis une bêtise. Sigrun, Sigrun. Sigrun, Sigrun. Parfait, Sigrun. un peu comme Oui. Tigrou, quoi. Comme une grue, Sigrun. C'est U. U. U. Mais de toute façon, ce sera simple, on va t'appeler Sig hein, pendant tout le jeu. Sig, c'est très bien. Donc Sig, est-ce que tu peux te présenter justement, présenter Sigrun à notre audience? Bien sûr. Alors, je vais éternuer. Voilà. Donc c'était Sigrun. Voilà. Merci, bisous, au revoir. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Donc, moi, c'est Sigrun. Moins de 3 ans. Enfin, j'ai vécu en Norvège. Je suis née là-bas avec, du coup, ma sœur et ma mère. Je suis en couple avec une fille du jeu de Talia et je bosse dans une librairie. Voilà. Ah, une librairie indépendante, une grande chaîne? Non, indépendante. Indépendante, d'accord, très Oui. bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire physiquement Sig? Non, pardon? Est-ce que tu peux nous décrire physiquement Sig, s'il te plaît? Je suis archi jolie. Franchement. Non, pardon. Non, je suis pas très grande. Je mesure 1,58 m. Cheveux blancs. Je m'habille très sobrement. Souvent en noir. J'essaye de passer un peu incognito. Mais voilà quoi. Vraiment très simple. Et assez discrète. D'accord. Donc effectivement, tu vis avec Talia? Ouais. Ouais. Ouais. J'ai quitté mes parents, ma mère et ma sœur, du coup, quand j'avais 20 ans. Et D'accord. je suis partie m'installer avec Talia. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu veux tout savoir. Ah ben oui. Et bien avec Talia, ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans, c'est pas mal. Ça fait 7 ans, exactement. Et on n'est pas encore mariés. Mais ça va peut-être se faire. Parce que moi, j'aimerais bien. Bah, ça va peut-être se faire si Talia va mieux. Parce que malheureusement, ça fait 3 mois que Talia est très malade. Et c'est pas la petite maladie. Tu sais pas ce qu'elle a. Ça fait 3 mois qu'elle reste en fait enfermée chez vous. Qu'elle ne sort plus. Que elle éteint même, enfin, elle n'ouvre même plus les volets, si tu veux. Elle passe sa journée au lit. Du moins de ce que t'en sais, parce que toi tu travailles. Oui, bien sûr. Mais elle passe ses journées au lit. J'essaye d'être là, mais c'est pas facile. Dans le noir le plus complet. Elle mange à peine. Elle laisse personne, même pas toi, la toucher, en fait. C'est au point que vous dormez même plus ensemble. Et ce soir-là, donc tu rentres de la librairie, il est à peu près 21h30. Tu vois, parce que t'as fait la fermeture du magasin, t'as été obligé de faire la caisse, t'as été obligé de faire tes commandes, tout ça. Il y a beaucoup de. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Ouais. C'est quand même assez chaud. C'est un métier prenant. C'est un métier qui est prenant, effectivement. Et tu rentres, t'es en train de rentrer chez toi, t'es dans le tram. Tout est tranquille. Tu rentres chez toi et il y a quelque chose qui est pas normal. Quelque chose qui est pas normal, c'est que l'appartement, il a l'air plutôt vide. Ouais. Et du coup, Osef, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Osef complètement. Tu te dis, oh, bah, lol. Hein, tu décides d'aller voir Talia. T'arrives dans la chambre. Dans la chambre, sur le lit, tout ce qu'il y a, c'est un petit papier. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a sur ce papier. Du coup, je m'approche du papier. Bah, tu chopes le papier. Ah, oh, le papier t'attaque et il te. Non, pardon. Le papier. Donc, le papier, tu le prends, tu le retournes. D'accord. Et t'as juste 4 mots qui sont écrits. D'accord. Ne me cherche pas. Ok. Donc, on est bien Ok. d'accord, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la chercher parce que je l'aime et que je m'en fous. Voilà, on est bien d'accord. Parce que c'est la femme de ma vie et que je m'imagine pas sans elle. Ben oui. Et donc tu es en train de la chercher, tu décides d'aller à l'endroit où vous êtes rencontrés, ce fameux bar. Ce fameux bar où vous êtes rencontrés. Elle est pas là. Elle est clairement pas là. Est-ce Mais que oui. ouais. Est-ce que je peux demander éventuellement au serveur s'ils l'ont Ah vu? ben y a pas de souci, tu demandes à la serveuse. La serveuse, elle te regarde. Bonjour madame. Je peux Bonjour. vous servir quelque chose? Non, en fait, je suis plutôt à la recherche de Talia. On venait assez souvent il y a quelques années et j'aimerais savoir si vous l'avez vue récemment. Ah, Talia, oui. Ah, écoutez, on l'a vue tout à l'heure. Oui. Elle est passée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle repasserait. Alors, si vous voulez, vous pouvez peut-être l'attendre ici. D'accord. Elle est passée quand? Il y a combien de temps à peu Ah, près? il y a 2 heures à peu près. Je vous sers quelque chose en attendant. Une Jägerbombe, s'il vous plaît. Ah, parfait, parfait, parfait. Bah, elle te ramène une Jaeger bombe et au moment de la payer, hein, tu vois, ce qui est normal. Elle te regarde et fait non, vous inquiétez pas, c'est elle est pour moi celle-ci. Vous êtes sûr? Ah, certaine, certaine. Ok, pas de soucis. Et donc bah tu bois. Il y a à Je peu bois. près, il y a à peu près 23 h, hein, quand t'es arrivé dans le bar. Tu bois. Ouais. Et puis bah tu bois. Je bois. Et tu bois. Et je bois. Et la serveuse, donc comme elle te voit, tu vois, très très très solitaire au final. T'es toute seule, bah elle finit par venir parler avec toi, tu vois. C'est entre deux commandes. Elle passe un peu à ta table, elle discute rapidement avec toi. T'apprends qu'il s'appelle Ember. Ember avec un A. T'apprends qu'elle s'appelle Ember et elle commence à te parler un peu de sa vie, mais pff, tu t'en fous quoi. On est bien d'accord, hein, tu t'en fous complètement. Oui, je cherche absolument Talia des yeux, je vois si elle arrive. La seule chose qui va me rassurer. Bah tu vois pas, mais le souci en fait c'est que plus la soirée avance, moins t'es sobre. Bien sûr. Parce qu'elle continue de faire venir les verres et elle continue et elle continue. Et tu sais autant que moi à quel point la Jaeger bombe, c'est violent. Ça tape. Ça tape. Bah, jusqu'à la fermeture du bar en fait. Il est à peu près 1 h du matin quand le bar ferme. Et Talia est toujours pas là. Et Talia est toujours pas là. Talia n'est absolument pas venue. Est-ce que je peux poser une question à la serveuse? Bien entendu. Est-ce que Talia vous a dit à quelle heure à peu près elle reviendrait? Ah, elle m'a pas dit. Elle m'a juste dit qu'elle reviendrait chercher des affaires. Okay. Elle m'avait demandé de les ramener. Si vous voulez, elle m'a aussi donné une adresse. Je peux vous y emmener. Ouais, donnez-moi l'adresse, au pire je peux y aller seule. J'ai besoin d'être seule. Clairement, dans l'état où t'es là actuellement, elle va t'accompagner. Ok. Elle va t'accompagner. Donc vous partez toutes les deux vers l'adresse. Très sincèrement, Amber te tient. Elle te tient parce que si elle te tenait pas, tu ramperais jusqu'à l'adresse. Je m'en fiche, franchement, je m'en fiche tant que je retrouve ma Talia. Tu es ivre à ce point. Ok. Mais alors complètement pété. Ça Complètement, complètement pété. marche. Et donc bah vous arrivez à l'adresse que Talia t'a donnée. Et sans ménagement en fait, comme ça, elle décide de rentrer dans un bâtiment. Le D'accord. bâtiment qu'elle t'a donné, elle rentre dedans. Il ressemble à quoi ce bâtiment? C'est les sortes de grandes barres HLM, tu vois. D'accord. C'est clairement un espèce de logement de fortune, si on Ok. peut dire. C'est pas, voilà, c'est pas du grand Pas du grand appartement, luxe, ouais. Ok. c'est pas du grand luxe. Tu sens que c'est quelqu'un de pas très très aisé qui vit ici. Donc, bah, en fait, elle monte hein, directement, elle rentre dans le bâtiment, elle prend l'ascenseur, elle monte au troisième. D'accord. Bon, d'accord. Hein, toi, tu la suis parce que Tant bien que mal, mais oui. tu le sais, il y a Talia qui est là, quoi. Ouais. Tu le sais, tu le sens. Ouais. Donc, tu la suis. Et elle rentre dans un appart. D'accord. Elle rentre dans un appart, bah, tu rentres aussi, hein. Je rentre aussi. Et la J'attends. meuf, elle rentre, elle enlève son manteau, elle le pend, et elle va se poser sur un canapé. D'accord. Ben, je fais pareil et j'enlève mes chaussures aussi. Voilà, donc tu te poses. Tu te poses comment dans le canapé? Bah comme je peux, parce que ça tourne. Ouais, t'es en mode bien, quoi, avachi, Ouais, vraiment, avachi, tout je ça. suis dans le gros sac, ouais. Ouais, on est bien d'accord. Donc tu rentres, enfin t'es posé sur le canapé, et d'un coup Amber elle se lève, elle fait, ah oui, j'avais oublié. Et elle revient, elle te ramène des verres en fait. Elle ramène deux verres. Encore? Elle en pose un devant toi et puis elle commence à en siroter un. Ok. C'est des verres de quoi? Là, comme ça, tu saurais pas dire, mais ça a l'air vachement bon. Ok. J'accepte de goûter. D'abord, j'aimerais bien sentir. Bah, tu sens que c'est de l'alcool. Oh bah super. Très clairement, c'est de l'alcool. Après, est-ce que tu saurais dire ce que c'est? Je t'avouerai que je sais pas trop. Et puis de toute façon, je m'en fiche, moi je veux juste retrouver Talia. Voilà. Donc, vous buvez, vous buvez, vous buvez. La soirée, se passe bien. Il n'y a toujours pas de traces de Talia. Est-ce que je peux lui poser une question? Ouais. Pourquoi vous m'avez emmené ici? Regarde, elle a un peu le regard. Elle a, en fait, elle a un regard qui est très bizarre parce que Ouais. d'un côté, elle a les yeux un peu vitreux. Peut-être l'alcool? De l'autre, elle a un regard qui est très perçant. Ouais. Elle a des yeux, ses yeux, ils sont absolument normaux. Seul truc, c'est qu'ils ont une petite teinte un peu jaunâtre. Tu vois, un peu jaunâtre, un peu animal. Ouais, c'est peut-être l'alcool après, hein. C'est peut-être moi qui. C'est peut-être l'alcool. C'est peut-être l'alcool. Et mais t'es là et tu fasses un petit peu. Complètement. Et elle pose sa main sur ta joue, tu vois. Elle pose sa main sur ta joue et tu sens qu'elle commence à se rapprocher de toi. J'essaie de la repousser parce que elle ne m'intéresse absolument pas. Tu la repousses comment? Avec tes mains? Ouais, au niveau de ses épaules, Ouais, tu poses tes mains sur ses épaules et tu essaies de la mais non, repousser. je la pousse pas, enfin, je la repousse. Voilà. Clairement, je lui dis, j'ai pas envie, je veux juste voir Talia. C'est tout. Et elle te regarde, elle fait. En fait, t'entends, justement, avant de le voir, t'entends la voix de Talia qui te dit: Mais j'ai toujours été là? Et tu phases un peu, tu fais le focus avec tes yeux. Et c'est Talia qui est devant toi. Voilà. Ok. Je crois que je cherche pas à comprendre. En fait, je la serre dans mes bras très fort. Tu la serres dans tes bras. Et d'un coup, tu as une grande douleur au niveau du cou. Oh. Et tu tombes. Et quand tu te réveilles, Ouais. c'est plusieurs heures plus tard. T'es toujours dans le même appartement. Et t'as Amber, en fait, Ouais. qui est pas loin, qui te regarde. Elle fait: Ah! T'es revenu. Tant mieux. Avec un grand sourire. Tu regardes, elle fait: Je suis désolé de d'avoir fait ça. C'était pas cool, mais j'avais vraiment envie que tu sois comme moi. Elle est où, Talia? Je veux Qui? juste. Talia. Qui ça? Où est Talia, ma copine. Où est Talia? Ah, je sais pas. Tu m'as dit au bar que tu savais où elle était, qu'elle t'avait donné une adresse. Où est Là, Talia? c'est un peu plus compliqué que ça. Dis-moi tout. Je vais Enfin, j'ai tout. vu dans ta tête à quoi elle ressemblait et comment était sa voix, mais je l'ai jamais vue. C'est quoi ce bordel? Comment ça, c'est quoi ce bordel? Tu m'as dit que tu l'avais vue tout à l'heure. Tu m'as dit qu'elle devait repasser. Je veux juste savoir où elle est. Je me fous de toi. Je me fous de cet appart. Je veux juste la retrouver. Elle va pas bien. Elle a besoin de moi. J'ai besoin d'elle. Ah, peut-être. Mais la retrouver, ça va être compliqué. Je m'en fiche. Je pourrais tout faire pour elle, je pourrais tout plaquer. Ma passion, mon métier, tout. Tout pour elle. Regarde, Je elle pourrais lui fait. faire. D'accord, mais enfin. T'auras pas peur de la blesser? Comment ça? Ah, je vois que t'as pas. Tu peux bouger le frigo pour moi rapidement? Le frigo, tu peux le déplacer? Je sais pas, non, enfin, non, je suis pas en état. Pourquoi tu me parles du frigo? Je m'en fous. Va déplacer le frigo pour moi et je te dis où elle est, Talia. C'est quoi ce truc? Mais tu me fais quoi là? Elle te regarde, elle dit plus rien. Et bah, ok, bah, je vais vers le frigo. Et je mets mes mains sur le frigo. Et je le pousse. Bah, c'est-à-dire que quand tu le pousses, en fait, tu l'encastres dans le mur. Oh merde. Elle te regarde, elle fait. Je suis désolé, hein. Je voulais vraiment que tu sois comme moi. Et voilà. Donc, merci Sig d'avoir été là. Je vous en prie. Je te reprends plus tard. Je vais appeler maintenant notre dernier joueur. Alors, ce serait bien si Discord voulait fonctionner correctement. Voilà. Donc je vais appeler notre dernier joueur, lui laisser encore une fois quelques petites minutes pour se préparer. Hop, et nous allons donc Non. accueillir Dedra. Bonsoir Dedra. Bonsoir. Comment vas-tu mon cher? Ça va très bien. Alors, Ça compte donc... pas tout. Je Dis-moi, vas-y. pense que tu as bien compris ce qui se passait. Oui. Voilà. Donc, je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées aux autres personnes qui sont venues avant C'est bien toi. parce que j'ai aucune idée de question que c'est, mais vas-y. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter Dedra, s'il te plaît? Dedra est une personne transgenre qui s'identifie comme une femme et qui travaillait un petit peu dans le sexe, mais pas trop à l'époque. Même si maintenant, bon, elle Qui fait un peu travaille, ce qu'elle veut. travaille. Voilà, elle travaille. Mais non, mais elle travaille, et puis des fois elle travaille pas, là elle fait ce qu'elle veut, et des trucs. Et sauf que elle n'a jamais couché pour de l'argent, et elle travaille juste dans les coulisses. Mais elle fait de la danse, elle vend des sextoys, elle s'amuse. Du coup, elle adore manipuler les gens comme ça, rien qu'avec un petit bout de fesse qui dépasse, parce que c'est quand même vachement drôle de voir les gens qui sont fous, qui deviennent fous. Et ça la passionne. Puis elle est bonne. Voilà. Mais justement, ça allait être ma question suivante. Est-ce que tu peux nous décrire physiquement, Dédra, s'il te plaît? Physiquement, elle a toujours, elle a les cheveux longs, assez longs, qui lui arrivent à peu près au milieu du torse. Elle aime bien faire des traits gauche. Elle a un grand tatouage d'étoile sur le torse et elle porte très souvent des habits décolletés et souvent des grosses bottes de militaire de ouf parce que c'est joli. Voilà. Puis elle est un peu blonde. D'accord. Donc, Dedra travaille dans un club de striptease, en plus d'un sex shop. Oui. Alors le club de striptease, je n'ai laissé aucun doute. Il s'appelle le Lusty Leopard. Voilà, ça c'était la référence gratos, hein, bien entendu. Tellement gratos. C'est la référence absolument gratuite. Et donc ce soir-là, elle est en train de danser jusqu'à un petit moment un peu tendu, hein, quand même. Il y a eu ce petit moment un petit peu tendu où il y a un mec qui a été un peu, comment dire, handsy, on va dire ça comme ça. Monsieur n'a pas respecté la règle de Je on peux te le touche avec changer. les yeux. Ce qui est quand même assez triste. C'est clair, parce D'accord. qu'il risque de se faire vite virer. Bah en fait, c'est littéralement ce qui se passe. C'est-à-dire que le vigile Berivoy, bah il arrive, hein, il chope le gars, mais. Bah, imagine la grosse armoire à glace. Slave, tu vois? Oh putain, mou, tu vois dégager. Tu vois, c'est. Enfin, ça se nom. Enfin, rien qu'avec le nom, hein, Berivoy. Genre. Toi, tu le connais bien en plus. Ça fait un moment que tu travailles là. Le mec, il a toujours été là depuis que tu y es. Malgré Mon le bro. fait. Bah, en fait, c'est un peu ton bro. À un point que ça t'en dérange, mais on va y revenir. Donc le mec, c'est l'énorme armoire à glace, toujours très protecteur des filles du club, en fait, tout simplement. Tu l'as vu jeter des gens un nombre incroyable de fois. Et là, effectivement, bah, le mec, il arrive, il regarde l'autre gars, il fait, on touche pas. Le mec qui regarde, qui fait, eh, sinon quoi, mon gros? Il le chope par le col, il le soulève, mais à 1 mètre du sol, tu vois. Et il l'emmène vers la sortie, il le pose à l'extérieur, tout doucement, il lui fait, tu rentres, t'es mort. L'autre mec le regarde, il fait, d'accord. Et il s'en va. Tu vois, c'est ça qui se passe. Et justement, il y a ce petit truc qui t'a toujours un peu dérangé avec Berryvoy, c'est que malgré tout ce que t'as pu faire, il a jamais, jamais montré une once d'envie pour qui que ce soit. Ça me dégoûte quand même sacrément parce que quand même, je suis bonne, hein, c'est chiant. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et du coup, ce soir-là, en fait, comme il a viré un mec et que toi, t'étais un peu genre, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Il s'est dit, je vais rester avec elle. Donc en fait, il est resté avec toi toute la soirée. Et il a parlé avec toi toute la soirée. Du moins, maximum qu'il pouvait, hein, entre jeter des gens, arrêter des bagarres, et puis toi qui dansais avec des clients. T'as genre arrivé ce moment où, voilà quoi. Et ce soir-là, tu t'es dit, lui, c'est bon. Lui, c'est. On est d'accord, hein. Lui, c'est ce soir. Lui, c'est ce Il y a soir. Il n'y a absolument pas d'embrouille. Et ouais, t'es. Comment t'es. T'as essayé de le charmer. Et rien. Rien du tout. Mais absolument rien. Le mec, tu lui as fait toutes les allusions les plus dégueulasses de l'univers. Que m'a juste rembarré du coup, j'ai dalle. sacré mon boulot. Il t'a même pas rembarré en fait. C'est comme essayer de parler de maths avec un enfant de 3 ans. Et il comprend juste Tu pas quoi. vois, tu le regardes, tu fais combien ça fait 5 plus 2? Il te regarde, il fait, on met les dessins animés? J'espère qu'il me demandait pas de mettre les dessins animés pendant que je pourrais être cul, sinon ça serait sacrément Non, voilà, mais tu vois chelou. Oui, j'ai compris. tu vois de quoi je parle, quoi. Ouais. C'est le mec, tu lui faisais des gros sous-entendus, mais bien sales, les trucs les plus trash de l'univers. Et te regardait, il était là, oui, Tu moi sais ce qui aussi. rentre et qui ressort? T'habites dans mon vagin, connard. Bah, Voyons en le fait, ça a cul. été plutôt. Ça a été plutôt. Et alors, toi, t'aimes quoi plus la brouette indienne ou mexicaine? Il te regarde, il fait. Bah, écoute, moi en brouette, je prends ce que je trouve. Je fais pas beaucoup de jardinage, mais alors, franchement, je prends ce que je trouve. Putain, je veux J'étais tellement là, mourir. genre, mais. Mort de rire. Et là, le Et vrai, du toi, j'aime coup. bien la bière. C'est ça quoi. C'est ça. C'est. Enfin, quand tu lui parles de levrette, il te dit oh, moi je préfère quand même les labradors, hein. Voilà, c'était la meilleure blague de l'univers. Je laisse les gens du chat réfléchir à cette blague. Voilà. Et du coup, tu te dis, faut aller plus loin. Faut carrément y aller, on est d'accord. Ouais, là va Faut falloir que je commence carrément. à lui pépon la bite parce que sinon ça va marcher. Justement, tu lui dis, frère, vas-y, moi j'ai peur que le mec y revienne. Est-ce que tu me raccompagnerais pas jusqu'à chez moi? Et ouh là, on est bien, hein? Et bah, il est tellement gentil, il est tellement gentil, le petit Bérivol, que bah il dit oui en fait. Non. Et te raccompagne jusqu'à chez toi. Et il rentre dans ton appartement quand tu lui demandes de rentrer dans ton appartement. Et jusqu'au moment où la soirée après, ça devient compliqué, hein. Ça devient compliqué, il y a de l'alcool, il y a pas mal d'alcool. Pour toi, du moins, c'est-à-dire que tu te souviens pas l'avoir bu, lui, étrangement. Et jusqu'au moment où bah tu te dis ouais on a parlé de le pépon, hein. Donc on va le pépon. Fais Contre le un bruitage. mur, voilà qu'on. Et Voilà. ce qui est étonnant, c'est qu'il se laisse faire. Mais genre vraiment sans bouger. Chaud, est-ce que je suis en train de l'agresser sexuellement? C'est chaud, C'est. c'est Mais chaud. non, non, parce qu'il est complètement. Il est pas amorphe, si tu veux, mais genre vraiment, il te regarde. Et il est là, genre, ouais, ok. Jusqu'au moment où. Quand même, il y a un truc qui est pas normal. Genre, t'es en train de le pépon et. T'as un goût de sang dans la bouche. Il y a, tu sais, Oh genre damn! le goût de métal. Oh mon Dieu, est-ce que t'as Le. des règles? Tu sais, le vieux goût de métal bien. Bien chiant. Moi, Donc, bah, du du coup, en coup. plus, c'est épais, c'est chaud, c'est genre chelou. Ah, Putain, même pas, putain, le c'est. lingot bizarre, hein. Même pas. C'est pas. C'est. Tu. Il a pas joué, si tu veux. C'est juste un Il a vieux pas goût joué, mais dégueulasse, quoi. t'as un goût de métal dans la bouche. Donc, bah, tu te retires, quoi. Et tu vois qu'il y a du. Ouais, il y a du Mais c'est bizarre, je me rappelle pas avoir mis les dents. Il y a comme du sang qui sort, mais en fait, vraiment, genre, il a limite tout le gland, en fait, qui est sanglant. Et bien, il n'y a pas de trace Ouais, c'est pas moi qui mets les dents, qu'est-ce qui se passe? de blessure, quoi. J'ai pas mis les dents, Et j'ai il pas baisse la coupure. tête, il est là, genre, oh mon Dieu, pardon, pardon! Oh! Il remet son caleçon, il est paniqué, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me retire, genre très vite, enfin, je suis déjà retirée, et genre je tremble et je suis vraiment mal, c'est-à-dire que je suis là, putain, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai forcément fait quelque chose, est-ce que lui il est pas un peu chelou aussi? Et du coup, je vais m'asseoir sur le canapé en mode quoi? Bah, il vient de voir, il fait, écoute, c'est pas ta faute, j'aurais pas dû te laisser faire. Je suis désolé, c'est. Je suis désolé. J'aurais pas dû te laisser faire. Là, c'est le moment où tu réponds quelque chose. Mais en fait, ton micro. Ah, oui, alors tu es en train de bugger, hein. Je t'explique, ça doit être la deuxième ou troisième fois que tu bugs. Ah. Tu m'entends? Oui. Oui, donc je disais, il s'approche de toi et dit, je suis désolé, c'est pas ta faute, c'est moi, j'aurais pas dû te laisser faire. Non, toujours pas, j'ai l'impression qu'on la perd, hein. Mais en fait, non, c'est pas moi que tu perds, c'est juste que des fois sur ton micro sur Discord il se coupe et du coup ça se coupe. Alors Du coup, attends, non. je vais Mais j'ai entendu ce que essayer. t'as dit, hein, à peu près. Ben Du coup, voilà. je le regarde dans les yeux et je lui fais. Est-ce que je t'ai agressé sexuellement? Est-ce que tu as peur? Est-ce que je suis quelqu'un d'horrible? Est-ce que. Te regarde, il Désolé. fait non, non, non, non, c'est. Ah, c'est compliqué, j'ai pas le droit d'en parler en plus. Ah, c'est horrible. Mais Mais écoute. te regarde, il fait je t'aime bien, hein. C'est juste que. Juste que je suis pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es aromantique? Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu es ace? Tu sais, c'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu pédé. Donc si tu veux, on est un peu parti du même endroit. C'est pas grave. Je pense que depuis longtemps, tu peux tout me dire. Il a un moment de doute. Il regarde dans le vide en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui le tracassait. Et tu vois au niveau de son visage, ça change un petit peu, si tu veux. Et il ouvre la bouche grand. Et tu vois, genre, deux grosses canines. Ah, t'es dans le roleplay de vampire. T'aimes bien les... Oh, non mais... Ok. C'est... Moi, j'ai jamais fait, mais... Écoute, si c'est juste ça... Bah en fait, immédiatement, il fond sur ton cou. Et il te mord. Mais c'est pas la morsure... C'est-à-dire, t'as déjà fait du BDSM. Ouais, carrément. T'as déjà fait, tu connais. Là, ça fait grave mal. Là, ça, là, je, Et c'est là, ça vachement fait bizarre. J'ai grave l'impression que mal. c'est ma veine qui coule là. C'est... Oh, ouais. Bah À en moi. fait, c'est même pas que t'as l'impression que c'est ta veine qui coule parce que tu sens rien. C'est juste que ça fait mal et puis d'un coup, genre, tu te sens faible hein, et tu tombes. Oh, le con, c'est Et Twilight. poum, dans les. Complètement parti. Et tu te réveilles quelques heures plus tard. Tu vois qu'il y a un truc qui a changé chez toi. C'est qu'il fait noir, mais noir absolu. Oh, je suis devenu aveugle. Ah non, non, tu vois. Tu vois bien, hein. Tu vois même très bien. Ce qui est un peu un problème. Parce que il fait noir absolu. Mais tu vois quand même très très bien. Et tu regardes rapidement autour de toi. Et tu vois que toutes tes fenêtres, elles sont complètement obstruées. Il a barricadé toutes tes fenêtres. Attends, mais c'est super chaud parce que soit c'est un putain de chat-garou et il m'a transformé en chat et je suis une telope, une rien, et soit il y a. Wow! C'est. Eh, hey, je vois dans le noir. Est-ce que je suis pas devenu un super-héros? Hein? Twilight, tout ça? Eh! Hey. Te Mais regarde, par il contre, je fait. pique ma verre là. Te regarde, il fait ça. Ça va? Tu sens bien? Généralement, ça fait un petit peu mal. Mais ça devrait aller. De quoi qui fait mal? Parce que mon petit père, parce que c'est qu'est-ce que t'as fait? Parce que je suis dans des pratiques bien dégueu et tout. Tu m'as assommé? Tu m'as étranglé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Oh, je t'ai t'as pas refermé les fenêtres? Pourquoi t'as étranglé. fermé les fenêtres? Parce que il va faire jour. Je m'en fous. J'ai d'aller boire un café, je sais pas. Ouvre la fenêtre. T'es sûr de vouloir faire ça? Il se met Attends, dans un coin. Dans un coin, genre loin d'une fenêtre. Et dit, si tu veux ouvrir la fenêtre, vas-y. Je t'en empêcherai pas. mec, attends. Tu m'as dit que t'étais pas comme tout le monde, machin, ça, hein, on est pédé, on le sait, mais tu m'as bouffé le cou. Oui, parce que tu t'as dit, t'as dit que t'étais d'accord. Et bah, je t'ai fait comme moi, quoi. Mec, moi j'ai juste dit que les roleplays c'était ok, t'as juste fait un vieux roleplay Twilight, là je vais briller au soleil, c'est ça, lol PTDR, et là je vais vers la fenêtre et j'essaie de l'ouvrir. Ah bah la planche qu'il y a devant, elle te vient dans les mains comme une brindille, hein. C'est comme si t'enlevais une feuille, en fait. Elle était juste collée là avec de la colle UU ou t'avais mis des billes dessus? Parce que Bah en je l'ai fait, enlevée c'est-à-dire que complètement. t'as pas le temps de parler. Que t'as un rayon de soleil, tu vois, le début du soleil matinal. Tu vois. Qui te frappe la poitrine. Et ça te brûle, mais alors sa mère! C'est une douleur que t'as jamais connue. T'as jamais eu autant mal. Ah, du coup, tu le vois qui arrive, qui prend la planche et qui la remet directement. Tu vois, il la repose. Donc Ah, le rayon de soleil disparaît. arrête pas. Et il te regarde, il fait. Ouais. Je t'ai dit, hein, je suis pas normal. T'es jamais demandé pourquoi tu me voyais que la nuit? Parce que moi je bosse que la nuit. Je peux pas poser plus de questions. Non, je crois que t'as pas compris. Je suis un vampire. Et. Est-ce que je veux briller au... Non, mais moi je veux les vampires. Moi j'ai lu Twilight et je comptais juste briller au soleil. Et Non. c'est quoi? Non. D'où ça existe de base? Si tu vas au soleil, tu risques de mourir. Elle est où la caméra cachée? Est-ce que j'aime pas trop les pranks? C'est un peu nul sur YouTube en ce moment, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fais? Le J'en mec, il a genre. Il s'approche du frigo. T'as un gros frigo à l'américaine. Bah, attends. Ouais. Et littéralement, De l'argent. il le prend, il glisse sa main en dessous, il le soulève, et il commence à le soulever comme ça, tu vois, de haut en bas. Ça fait, non, non, mais je déconne pas. Et il le repose, ça fait, t'entends tout ce qu'il y a à l'intérieur qui se casse la gueule. Frère, mon frigo! Et t'es là, C'est pas genre. parce que t'as fait de la muscu là que tu peux péter mon frigo, hein. T'es là, genre, ah, et il te regarde, il fait, mais tu peux le faire aussi, hein. Frère, t'as eu mes bras ou pas? Eh, Vas-y, rapide. essaye. Ben, je vais prendre le frigo. Je vais soulever le frigo, pas dans le sens sexuel. Ah bah tu le soulèves. Il est un petit peu lourd quand même. Il y a beaucoup de lait dedans. Mais tu... Ouais, ben, c'est... Comme... là actuellement, c'est comme si tu soulevais... Si tu soulevais un enfant de 10 ans, quoi. C'est un peu lourd, mais ça va. Et là-dessus, je vais te renvoyer avec les autres. Ok. Faut que je processe. Voilà. Donc, vous avez rencontré nos quatre personnages. Vous avez rencontré nos quatre personnages. Je propose très rapidement qu'on fasse une petite pause. On va faire une petite pause sur le stream. YouTube, ne t'en fais pas, on revient. Immédiatement, mais nous on va faire une petite pause. À tout de suite. Nous revoilà donc avec nos quatre joueurs. Eh Donc, oui! Non. Hello! Bonsoir. Donc, Dedra qui est revenu parmi nous. Ouais! David. Les draps, c'est vachement pratique Oui. pour le lit. Rissam. Bonsoir. Et Sig. Hey! Donc vous l'avez compris, chacun d'entre vous. Cigarette! Chacun d'entre vous a vécu sa mort. Alors, on va faire un petit point. Non, maintenant, grâce à ma blague. On va faire un petit point très rapide sur qui vous êtes. Sur qui vous êtes. Je vais retrouver moi mes pages. Voilà, donc nous avons des draps. Oui. Dedra la Broudja. Prouha. Brouhaha. Brouhaha. Voilà, merci. Je suis une rebelle, moi! Y'a Voilà. quoi? Une rebelle très... Enfin, censée être très violente. Voilà. Mais qui finalement préfère jouer de son cul. Ah. Voilà, Alors, exactement. c'est fait. Merci. Nous avons Sig, la Hey. gangrèle. Et pas la gangrène? C'est pas la C'est quoi gangrèle. ta confusion? Qui va être un vampire beaucoup plus animal. Et on... Ah. Beaucoup plus animal. D'ailleurs, j'ai hésité à transformer en comment en animal, mais ça aurait été la merde. Nous avons David le Malkavien, Oui. qui est Oui. un peu fou. Je oui, bouffon. Sa folie, c'est des absences, donc le mec il phase. Et donc Rissam, la toréador. C'est ça. Est-ce que t'aimes bien les taureaux? Est-ce que tu fais de Non. la corrida? Est-ce que t'es quelqu'un de méchant Non. qui tue les taureaux? Alors, je vais juste quand même tous vous marquer votre sire. Je vais tous vous marquer Ouais. votre sire que Moi, vous je me avez rappelle pas de son donc nom, je t'avouerai. que vous avez tous connu. Putain, le pire c'est que même moi je m'en rappelle pas, c'est horrible. Moi je me rappelle Ah bah plus bravo! des petits pa... Moi c'est petit panier, je pense, comme ça. Hop, Je sais donc toi c'est hop là plus. ça et toi c'est bien entendu comme ceci. Donc voilà, je vous laisse regarder, ça a été mis à jour sur vos fiches. Oui. Ah bon? Oui. Oui, parce qu'on a la fiche affichée normalement sur des joueurs sérieux. Voilà, Non, vous êtes des c'est joueurs sérieux, vous pas avez votre fiche oui, je affichée en l'ai, permanence. mais moi je vois pas Sire. Oh, ok. Je vois pas le mien. Et maintenant, c'est les rouages commencent à tourner un petit peu. Je sais pas si c'est bon, ça a été fait. Merde. Les rouages commencent à tourner un petit peu. Mmh. Donc votre sire sera votre patron. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que vous êtes auprès de lui ou d'elle. D'accord. J'ai fait exprès de répartir équitablement. Nous avons deux femmes et deux hommes. Ça fait à peu près 20 ans que vous étudiez. Vous avez connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a connu la galère, mais on Vous s'en avez connu fout. la guerre, mon colonel. Non, On alors. est obligé de l'obéir, je suppose. J'imagine Ah que oui. bah, je vous rappelle. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler les règles de la mascarade? Non, Non. Voilà. c'est juste que voilà. Moi j'ai eu 5 minutes de coupure, hein, Ah putain, mais je vais lui péter la. Ça va être Non très mais très très très long. ce qui va être drôle, c'est que un ma peu comme connexion va être en accord du coup avec ma folie. Je vais avoir des absences. Mais ouais, ça c'est bien, ça c'est du bon roleplay. Merci de la connexion. Non, pas Bah merci, nul. pas merci puisque du coup David n'a quasiment rien entendu, mais je ne répéterai pas. Ça je l'avais. Regarde De toute le manière, rien de replay. qu'on savait pas. Donc, Regarde la VOD. Vous regarderez les VOD. Je vous demanderai quand même, bien entendu, d'éviter la partie où chacun vit sa mort, de façon à Oui. ce que. Après, vous pouvez la connaître, hein, mais de toute façon, Non mais c'est nul. ça finira probablement par sortir parce que. Oui, mais c'est mieux de l'apprendre des autres que d'aller regarder. Que de regarder la VOD. Voilà, c'est ça. Vous pouvez. Oui, Moi, je ça vous sonne. encouragerais même, pas forcément maintenant, mais plus tard, à un petit peu partager vos expériences. Mais ce sera pas forcément tout de Dans suite. quel sens? Parce que Pardon. dans tous les cas, pour le moment, vous ne vous connaissez pas. Eh ben non. Ah non? PTDR, t'es qui? Vous ne vous connaissez pas, et Il en fait, vos sires respectifs, donc Amber, Berryvoy, Julian et Tapani, vous ont donné rendez-vous un vendredi soir, en fait. Vous vous donnez rendez-vous un vendredi soir dans Wow, un. vendredi tout prix permis. Wow. Ouais, Nous, on quelle parle pas de vie. cette émission. Dans un grand manoir. Ouais. Ils vous ont donné rendez-vous dans un grand manoir. Quand vous arrivez, il y a déjà beaucoup de monde qui est dedans. Est-ce qu'il y a de la boue? Est-ce qu'il y a à boire? Est-ce qu'il y a à boire? C'est-à-dire que non. Enfin, il y a quelques. Je vais, genre, je vais lancer un dé. On va faire Parce ça au que s'il y a dé. des gens qui sont, s'il y a des humains qui sont alcoolisés, on peut boire et être bourré. Est-ce qu'il y a de la Jägerbombe? Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bu de la Jägerbombe et du coup on peut boire? Alors, y a pas à boire. Oh, mais il y a Il des y a gens qui pas à ont bu. boire. Bah alors justement non. Putain, c'est Parce nul. que quand vous arrivez, vous reconnaissez quelques personnes que vous avez déjà vues. Toute façon, j'irai pas, y a pas d'alcool. J'avoue. Ah mais y a pas de choix. C'est-à-dire que votre sire vous a dit, vous venez à telle Moi, heure, à franchement, tel endroit, vous êtes à telle heure, à tel endroit. voilà, je Moi, suis une. franchement, j'arrive et je suis trop la gueule parce qu'il n'y a rien à boire. Et du coup, c'est nul. Bah concrètement, tu fais la gueule parce Ouais, qu'il y a pas y a pas de sang quoi. voilà, c'est exactement clairement ça, je suis pas là. le Y genre. a pas de sang, c'est un peu nul, mais Qu'est-ce qu'on fout? qu'est-ce qu'on fout là? C'est la grande question que vous êtes en train de vous poser quand vos sires arrivent. Donc Amber te rejoint toi Sig, Berryvoy te rejoint toi Dedra, Julian te rejoint toi David et Tapani te rejoint toi Rissam. Donc ils vous rejoignent, ils discutent rapidement avec vous. Ils se saluent froidement. Hein. D'accord. Très Ils sont froidement, attentifs. ils se regardent bonsoir, bonsoir. C'est très très froid. Donc ils vous regardent et ils vous disent à chacun, bon bah on va rentrer. Ok. Bah, Ouais. go, hein. Donc ils rentrent. Vous pouvez voir, alors c'est très hétéroclite tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a plein de monde. Ah, ils sont pas hétéros, mais ils sont hétéroclites. La question que je me posais justement, est-ce que hétéroclite voudrait dire qu'il y a beaucoup d'hétéros? Eh bien non. Non, Non, non. Il n'y a pas c'est qu'il beaucoup y a beaucoup de, il y a de. beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de femmes hétéros qui montrent leur clitoris, si c'est la question que tu te posais. Hétéroclite. Bonsoir, on est sur YouTube. Bonsoir! Salut YouTube. Non, non. Ban instant. Il y a Monique Dupongu, beaucoup. au revoir, vous êtes pas parmi nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de mecs super moches. au Ah, ça, moins, c'est des Nosferatu. que vous Putain, les connaissez. gros. Voilà. Ils sont moches, ils sont dégueulasses. Je ne veux pas les voir. Allez-vous-en. Voilà. Clairement, moi, je ne me mélange pas avec eux. Ah non, mais c'est des Euh... gamins, je ne sais pas. Ça, il me rappelle un pote à moi qui s'appelle Morgane. Vous voyez un groupe, vous voyez un groupe de gens très très très bien habillés. Oh, Et d'ailleurs, c'est Maître t'en connais quelques-uns, Rissam. Hein. C'est Maître Gims. Depuis nos années. Forcément, c'est les Ventrous, j'imagine. Putain de Non, mais connard. oui, comme Non, ça. c'est pas Non, les non, Ventrous, oui. c'est les autres. Toriador. C'est les connards, c'est les Toriador. connards. C'est Clairement, en gros, vous vous avez reconnaissez pas plus de ou moins personne. tous les clans de vampires qui sont rassemblés. Tant, mais il y a tout le monde, c'est quoi ça? Moi, j'aime pas, il y a trop de monde. Laisse-moi m'en aller. Est-ce qu'il y a Maître Gims dans les. Non, il y a pas Maître, y a pas Maître Gims dedans, hein. Pourtant, je crois que c'était un niveau Clairement étrange. pas. Par contre, Il y a Black M. Mais non, il y a des gens que vous pensez reconnaître. Bon, vous êtes pas sûr, hein. Vous êtes pas sûr, mais Keanu Qui a donné de euh, la farge? alors je vais lancer. Qui a donné de la Je farge? Keanu Reeves, je suis sûr, c'est un vampire. Ben, Keanu Reeves, vous le voyez pas dedans. Déjà, il est à moi, donc. Allez Ça reste un voir. vampire. Par contre, Rissam, Oui. tu vois un mec, ça, il pas très très grand, il a une coupe un peu au carré. T'es là, tu le regardes, tu te dis, putain, on dirait vachement Bill Gates quand même. On dirait vachement Bill Gates, mais t'as genre, putain. Putain, mais moi Est-ce que. je voulais juste de la farge. Et avant que t'y ailles, bah, pff, il a disparu, quoi. Il est plus là et t'es là, genre, merde. Oh, j'ai pas eu le temps de lui dire que la Xbox c'était de la merde. Oui, alors Bill Gates ne travaille plus à Microsoft et c'est pas lui qui s'occupe de la Mais c'est division vrai. Xbox. Donc voilà. Donc on vous amène en fait dans une sorte de grande salle de bal. Et il y a un mec qui prend la Faut pas parole. d'alcool. Non, mais il y aura pas d'alcool de toute façon. Vous ne buvez plus d'alcool. Je Ben sais, mais non. c'est nul. C'est ce truc qui me manque de ma vie Hein, maintenant. voilà. Euh, Est-ce que bah... pour sentir l'effet de l'alcool, on peut boire le sang de quelqu'un qui est Oui, alcoolisé? ça c'est vrai. Alors, Ah. vous pouvez, Il mais y ça vous fera pas grand-chose. a... Ouais, mais c'est bon. Il y Ça a vous un petit, fera si y a un petit goût de pas. Jäger dans le sang, ça va être juste du coup. Donc il y a un mec en fait qui s'approche, qui se met en plein milieu de la foule. Et il y a un silence. Okay. Non, mais il y a un silence qui tombe en fait. Le simple fait qu'il soit devant la foule, ça vous fait tous taire. C'est Steve Jobs. Moi, je me demande simplement qui c'est ce connard, quoi. C'est Steve Jobs. Il est pas mort en fait. Alors, c'est simple, Rissam, tu commences à ricaner, tu vas dire c'est Steve Jobs. Et C'est il y lui. a. Il y a comment? Le mec, il te regarde droit dans les yeux. Mais alors, droit dans les yeux, tu te figes. Mais vraiment, genre, tu te figes, tu t'arrêtes de ricaner. Et il y a ta panique qui te donne un grand coup dans l'épaule. Il te fait, tu te tais maintenant. Oh, Tu un Hubert, faut enfant. pas lâcher une caisse. Et même Quel connard lui, qui parle, il il est fou. regarde, le gars et tout le monde en fait a l'air impressionné. Mais pas impressionné, genre oh mon Dieu, il y a une célébrité devant nous. Impressionné, genre les gens sont. Bon, moi, très clairement, les bras croisés, j'attends parce que franchement, je sais pas du tout ce qu'il me veut, ce connard. Il a le haki des rois, le mec. Il te regarde, tu t'évanouis. Moi, C'est pas Claude je les aime François qui pas. fait ça vraiment? Est-ce que Claude François est dans la salle ce soir? Oh, c'est parti. C'est parti. Et pisse. Non, c'est pas lui. Bref, une spéculation. Alexandrie? On t'attend tous, Ben. Mais Arrête de rire. justement, en fait, non, non, je rigole pas parce que le mec, il commence à s'agacer. Il vous voit tous en train de parler, il commence à très sérieusement s'agacer. Il attend que le silence tombe dans la salle. Vous êtes les quatre seuls qui êtes en train de parler, en réalité. Hein. Vous êtes les quatre seuls en train de parler et il commence à s'agacer. Il vous regarde tous les quatre. Perso, je dors plus tout à l'heure. Et vous commencez à vous dire, si on se tait pas, ça va puer pour notre cul très salement. Putain, j'avais commencé, c'est chiant. Donc une fois que le silence est tombé sur la salle, oui. Une fois que le silence est tombé sur la salle, le mec ouvre les bras. Regarde, il fait bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus ici. Savez que ce soir est historique. Claude François parmi nous. Alors, Dédra, tu vas me faire un jet. Oh, je vais faire une... De perception et vigilance, s'il te plaît. Tout de suite. Tout de suite, maître du jeu. Où es-tu, vigilance ? Là. Avec combien de... Et justement, tu vas... Je cherche. En difficulté, tu vas me mettre un petit 8. Attends, je vais d'abord je mette de la poule. Faut que je mette poule de perception et de vigilance, du coup. Mmh. Okay. Tu choisis... Et la difficulté ? 8. Alors, excusez-moi, hein, deux petites secondes. Je vais juste vérifier. Faut que je retrouve exactement ce que je cherche. Non, c'est pas ça. Je l'ai presque, hein, excusez-moi. C'est ça. Très bien. Okay. Ça nous fait, ouais. Vous ne les verrez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, vous voyez d'un coup des draps disparaître dans les ténèbres. Ah. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un. Autour de des draps, il y a un voile de ténèbres qui se fait. Oh, il n'y a plus rien. Ok. Faut pas rire. Tu regardes, il fait « Donc, merci à tous d'être venus pour cette soirée historique. Comme vous le savez, la guerre n'a jamais été aussi faible qu'en ce moment. Nous avons donc réuni les dirigeants de chaque secte ici présent. Nous avons un dirigeant de chaque clan, un représentant de chaque clan ici présent. Et bien entendu, il ne se passera que la paix. La paix sera signée ce soir, mes amis. Là, il y a une clameur dans la foule. Tout le monde se met à applaudir, tout le monde se fait à merde. Ouais ! Sauf un groupe de mecs un peu plus loin. Et ils sont là, genre, ils applaudissent poliment. Il attend un petit peu, tout le monde crie, d'un coup il baisse les mains, tout le monde se tait. Regarde, il fait, je vais demander, bien entendu, à tous nos représentants de se rendre dans la salle de conférence où le maître vous attend déjà. Et bien entendu, et au moment, il est en pleine phrase, il y a un hurlement déchirant. Tout le monde se regarde. Un peu genre. C'est un hurlement, si je peux me permettre, plutôt. Enfin... C'était vers où le hurlement? Oui, ça vient d'où? Là, vers la salle qui vient de pointer, en fait. Je fonce. Tu fonces vers la salle? Mmh. Donc vous ouvrez. Alors, qui est devant? Bah, moi, je reste dans moi, la salle. Moi, j'y vais d'instinct. Hein. J'ai entendu le hurlement, je fonce. Ok. Des draps. Des formations professionnelles. Est-ce que je suis vraiment là au final? Ah bah t'es. T'es encore là. T'es encore là. Là t'as été libéré. Hein. T'as été libéré dans Warzone. Du coup, je fais juste genre j'ai de la fierté alors que et du coup, bah, je me dis qu'il y a des gens qui y vont, donc j'y vais, je les suis, vite fait, mais au pas un petit peu, je me branle, quoi. Ok, juste donc vexé. David est parti, Dedra est parti, Rissam. Je regarde Tapani, s'il me dit quelque chose, sinon je reste là. Ah bah Tapani, il est un peu flippé quoi, il est là, il regarde, il fait merde! Et il commence à partir vers la salle aussi. Ben je le suis. Ok. Et Sig? Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est là. Du coup, on dit qu'on a peut-être besoin de renfort éventuellement, mais je sens courir quoi, j'y vais. Ok, donc vous y allez tous? Pour trop savoir quoi, j'y vais ou pas quoi. J'y vais en reculant, enfin je me mets un peu. Un peu foncé, quoi, genre. Ouais, en gros, il n'y a que David qui fonce quoi pour y aller. Alors, moi je fonce, t'as des draps qui suivaient un peu sur le même rythme et un peu en décalé, les deux autres qui vont en piétinant. Même des draps, ils vont en piétinant, hein, de ce que j'ai compris. Ouais, moi je suis juste vexé, je fais une TP, la warp zone. Genre, je me demande toujours si c'est chiant. Le niveau dans Fantasia, c'est chiant. Par contre, si vous pouviez, s'il vous plaît, essayez de ne pas parler les uns par-dessus les autres parce que Sig essaie de parler depuis tout à l'heure et tout le monde la coupe. Sympa si on pouvait s'écouter. Donc Sig. Ouais non, juste j'y vais, enfin les sourcils foncés, genre vraiment qu'est-ce que je fous là quoi, je me demande. Du coup ouais je suis les autres, j'ai besoin d'aide, mais j'ai pas spécialement envie d'y aller quoi, j'y vais par voilà. Histoire de. Ok. Donc David, tu arrives en premier dans la salle. Bah je jette un œil. Alors la porte est fermée, hein, donc tu l'ouvres tranquille, tu la défonces, tu. Je la défonce pas, mais je l'ouvre précipitamment, quoi. Ok. Bah oui, elle s'ouvre. Elle s'ouvre assez facilement. Et ce que vous voyez, alors tu vas me faire un jet pareil de perception. Perception et bah, vigilance. Difficulté 7, s'il te plaît. Je suis en train de chercher vigilance où il se trouve. Oui, tout en haut, d'accord. Tout en haut, ouais. Hop, difficulté 7. Deux succès. Ok, très bien. Oh, putain, de ta mère. La première chose que tu vois en rentrant dans la salle, c'est une silhouette en fait qui part sur un côté. Une silhouette qui part sur un côté et il y a littéralement plus rien dans la pièce. Il y a une grande table, vous savez les grandes tables bah, comme les trucs de diplomate. Hein. Il y a une grande table, mais il y a personne. Il n'y a personne à cette table. Les meubles sont pas renversés, rien. Il y a une chaise en fait qui est un petit peu déplacée si tu veux, un peu reculée comme s'il y avait quelqu'un qui était assis là quelques secondes avant. Sauf que bah, de là où t'es en fait, la chaise elle est face à toi, tu vois, il y a toute la table et la chaise elle est face à toi et clairement l'ombre est partie par un. Par la. Alors c'est la gauche par rapport à toi. Ah bah je vais gauche suivre. Par rapport à toi. Tu le suis. Bah tu pars, hein. Tu pars en courant. Qui d'autre suit? Moi je rentre. Toujours en étant grave vexé. Ouais. Je vois qu'il y a personne, je me fais. Du coup, je reste dans le cadre de la porte. Je me dis, bon, ça gêne les gens de rentrer. Au moins, il n'y aura pas 36 gens qui rentreront. Si c'est une scène de crime ou j'en sais rien, au moins. Bah, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à rentrer. Oh, les FDP. Moi, je reste juste à la. Je reste juste à la porte et je suis là maintenant. Ah, super. Il y a déjà des gens qui ont commencé à rentrer et ils regardent un peu à droite, à gauche. Et puis, tu les vois. Et vous les voyez tous, en fait, bah, sauf toi, David, du coup, parce que t'es parti un petit peu, mais. Vous les voyez tous qui s'arrêtent au niveau de la chaise, qui est reculée, et qui ont un regard horrifié sur le visage. Au niveau de la chaise, c'est ça que tu dis? Ouais. Ok. C'est-à-dire que concrètement, il y a 14 chaises autour de la table. Il y a une chaise qui préside loin de vous, du moins loin de l'entrée, et le reste des 13 chaises qui sont posées. Donc vous comprenez qu'il y a les 13 chaises pour les 13 clans et une chaise pour la personne qui préside. Sauf que la chaise de la personne qui préside, elle est vide et tout le monde la regarde avec horreur. Il y en a qui commencent à jurer. Il y en a deux qui sont là, merde, merde! Vous envoyez quelques-uns qui sont là, qui se prennent la tête, qui se mettent les bras autour du crâne, genre, oh putain! Et puis vous envoyez, justement, vous vous souvenez du petit groupe, tout à l'heure, qui tapait des mains un petit peu bof-bof. Qui eux regardent et ont limite un petit sourire en coin. Petit sourire en coin. Et bah c'est plus ou moins tout. Qui veut s'approcher À la limite, ouais. J'essaie de m'approcher de la chaise, mais prudemment, je sais pas sur quoi je peux tomber. Je suis un peu interloquée en fait, je me demande ce qui se passe. Bah tu regardes, tu t'approches de la chaise, tu regardes. Il y a juste un tas de poussière en fait au sol. Ok. Moi je regarde les gens, j'essaie de comprendre, de faire un espèce de récapitulatif de ce qui pourrait se passer, ce qui peut se passer. Oh, tu prends un mec au hasard? Ouais, enfin, je les regarde déjà un peu tous et je toute seule, en fait, je me demande, enfin, genre, est-ce que c'est le mec qui a cramé? Est-ce que je sais pas, je m'interroge. Ah, il va falloir me le faire en roleplay. Hein. J'ai très chiant par rapport à ça. Ok. je vais voir un gars, un qui est plus proche. Je vais le voir, je me demande, c'est quoi ça? Il se passe quoi? C'est la diablerie! Ah bon? Oh. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que c'est assez vague, je veux savoir en fait. Tu regardes, il fait ton sire, ne t'a rien appris? Pas sur les tas de poussière. Et là, il y a sur ce, il y a Amber qui arrive, qui était à côté, tu vois, en train de regarder un peu. Elle t'attrape par l'épaule, elle fait pose pas ce genre de questions, viens là. T'emmène à l'écart. Elle te dit, j'ai déjà expliqué ce que c'était la diablerie, voyons. Ah mais tu m'as dit tellement de trucs. Tu regardes, elle fait, c'est quand un vampire tue un autre vampire. Oh merde, ok. Non, bah je les comprends du coup. Tu regardes, elle fait, le président est mort. Et là, c'est grave. Oh non. Mais ça veut dire du coup, les connards qui ont appelé dit doucement, bah. Ils voulaient pas forcément la paix du coup. De quoi, les assamites? Les assamites n'auraient aucun. N'auraient aucun. Aucune raison de faire ceci, voyons. T'as une idée de ce qui s'est passé? Bah écoute, bah non. Regarde, elle fait non, absolument pas, non. J'aimerais bien le savoir. Et il faut qu'on fasse attention parce que ça risque de nous retomber dessus. Ok, moi j'ai rien vu, rien entendu. Donc elle t'amène un petit peu à l'écart. Vous l'avez entendu, hein. Vous l'avez entendu et vous vous dites. Ça pue un peu le cul quand même. Bah en fait j'aimerais bien questionner vite fait ta panie. Tu regardes vite fait ta panie? Ouais, et puis je demande est-ce que vous pouvez me dire sur les gus là-bas dans le fond qui sont. Bah il se penche vers toi, il fait ça c'est les assamites. C'est rien de grave, hein, c'est des assassins. Ils sont. Ouais. Qui sont? Ils sont assez spéciaux. Ils tuent pour un oui, pour un non. Ça pue un petit peu, je te le cacherai pas. Ok. Il est un petit peu en PLS. Il est pas très très bien. Ok. Donc, David, toi, tu étais parti suivre. La silhouette Tu étais de parti trois personnes. suivre la silhouette. Elle est plus rapide que toi, mais pas tellement, tellement, tellement non plus. Pas tellement non plus. Donc t'es là genre ok, d'accord, très bien. Donc tu la suis dans les couloirs. Tu finis par la suivre dehors. Question de pendant qu'on est encore dans le couloir, normalement j'ai le don, je crois que c'est au specs pour qui augmente les sens. Alors, ça augmente pas l'essence. Enfin, ça augmente pas les sens, mais t'as les sens plus développés, je crois. Alors, je vais aller C'est peut-être le. revérifier, mais je sais que ce Je sais que plus c'est lequel, Ospex. enfin j'ai un. J'ai un des trucs qui me fait que mes sens sont plus développés. Specs. Je sais plus c'est lequel. Alors, Ospex, normalement, c'est pour voir la. Comment ça s'appelle? Pour Laura. voir l'aura des gens. Ouais, c'est ça, Alors, je crois. ça partir d'un certain niveau, non? Ou c'est autre. Non, non, non, il me semble que c'est. Ah oui, non, tu as sens accru sur Ospex qui C'est ça. augmente la clarté, partie de ta vue, ton odorat et ton ouïe. Mais Le pas le toucher goût ni le aussi peut toucher. être. Si, le toucher de ce que j'ai lu peut être. Enfin, pas autant que les autres, mais il peut. Il est plus détaillé, en tout cas. Oui, il est plus détaillé, mais après, c'est pas non plus. C'est Du pas bon. coup, est-ce que je peux essayer de renifler, voir si le mec n'a pas une odeur particulière que je pourrais repérer plus facilement par la suite? Ben, tu. Ok. Tu vas me faire un jet de perception plus vigilance, s'il te plaît. Hop. Alors, tu attends, hein, tu attends 2 petites minutes que je regarde. C'est. Ok. Ok. Tu auras une difficulté de 5. Hop, pool, difficulté 5, submit. 4 succès. Quatre succès. Bah, effectivement, tu sens une odeur plutôt rance. Mais alors, je veux juste vérifier quelque chose. Hein. C'est-à-dire quoi, Rance? Un peu. Change un Un dictionnaire. peu renfermé, si tu veux. Ouais. Parce qu'on propose un footballeur australien sur Google. Alors ça dépend comment tu l'écris. Un rance. Non, c'est pas un footballeur. C'est genre, tu sais, genre c'est quand le Ouais, jambon il ça tourne ou sent la quoi. poussière, tout ça. Ouais. Non, mais c'est plus quand le jambon tourne, tu vois. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Quand c'est un Ok, peu un rond dégueulasse, quoi. pourri, ouais. Un Ok. peu pourri, quoi. Enfin, pas vraiment pourri, mais rond Ouais, genre par pourri. exemple, ton beurre il a pris Ouais, une. De la mayonnaise. ça. C'est un peu âcre. Voilà, c'est ça. Acre ou âpre? Acre. Les deux, pardon. Non, non, du coup, bah, effectivement, il y a cette odeur rance donc tu la suis. Ouais. Donc Ok, suivant. tu suis, hein, tu sors du couloir, tu te retrouves à l'extérieur. Et littéralement, il n'y a plus rien. Genre plus d'odeur ou. Ah, déjà, l'odeur se fait un peu moins présente. Elle est toujours présente. Elle est dans l'air, elle est là. Sauf que, bah, littéralement, t'es sur une sorte de grande place, tu vois. C'est un manoir. Tu sors sur le côté, t'as un grand vide. Et y a rien. Est-ce que je peux essayer de merde, de faire une perception avec investigation? Parce que je sais, c'est une capacité que j'ai de pouvoir me dissimuler dans les ombres. Je me dis que le mec peut avoir la même chose, quoi. Donc je Alors, vais essayer c'est d'enquêter un peu. occultation. Occultation? Il me semble que c'est C'est occultation. ça. Euh, Donc, je, sais que c'est une capacité que j'ai, donc je peux me dire que le mec a peut-être la même chose, du coup, je vais essayer de chercher. C'est une très bonne idée, je vais juste retrouver l'occultation que j'ai ici. Donc c'est manteau d'ombre hein, que tu cherches à voir. Ah, ce qu'il te faudra en fait, c'est de l'ospex. C'est ton ospex. Donc tu me fais un jet, bah, effectivement, de perception et subterfuge. Subterfuge. Hop. Et quelle difficulté Difficulté de 9. Ouh, d'accord. Ouais. 0. Tu sens rien, en fait. Enfin, y a rien qui... Et tu vois plein... Il y a d'autres gens qui sortent, hein. Parce qu'il y a des gens qui t'ont suivi. Ils regardent, ils commencent à se disperser un petit peu dans la foule. Ils sont là, tu vois, ils se dispersent sur le truc. T'en as pareil, hein, qui s'arrêtent, qui regardent autour d'eux comme toi t'as fait, qui ont l'air d'être des gens bien plus expérimentés que toi. Sauf que même eux, ils sont paumés. T'en as qui partent en courant, t'en as qui... Y a rien. Et l'odeur, elle amène à plus rien du tout, du coup. L'odeur, elle amène à rien du tout. L'odeur, elle est dans l'air, en fait. T'as plus de... Tu vas... Y a pas de... Comment de trace d'odeur, si tu veux. Ouais. Tu peux pas la suivre. C'est une fois qu'elle est dehors, tu la sens pas. C'est ça qui te dérange, en fait, si tu la sens partout. Mm-hmm. Tu la sens partout, donc t'es un peu perdu, et tout le monde est un peu perdu, quoi. C'est un peu le souci du truc, hein, c'est que tout le monde est là, genre, ah, ok. Donc bah il se passe. Du coup je vais essayer de retourner à l'intérieur, de retrouver mon sire si elle m'avait pas suivi. Non, elle t'avait pas suivi Juliane. Du coup je vais essayer de la retrouver. Mais oui tu retournes à l'intérieur. Et vous tournez tous, je pense, dans la salle de bal. Ah si mouvement suit la salle de bal, ouais. Je suis mon sire. Perso je la suis aussi, donc. Ouais. Donc bah il y a tout le monde qui retourne à la salle de bal. C'est le chaos absolu à l'intérieur. C'est le chaos absolu à l'intérieur parce que les clans commencent un peu tous à se foutre sur la gueule. Est-ce que j'ai vu le tas de poussière au passage en revenant? Bah probablement oui. Parce que j'ai tellement rushé que sur le coup, la première fois tu l'avais pas vu. Hein. La première fois très clairement tu l'avais pas vu. Ouais, la deuxième fois. Elle est de quelle couleur la poussière? Bah c'est de la poussière noire, marron à peu près. De la poussière. Ouais. C'est de la poussière rose qui fait des licornes. Exactement. Putain les connards, ils ont fait le ménage. Tous les sauvilleux. Du coup c'est pas super respectueux de passer l'aspirateur sur un tas de poussière qui avant et tout. Pour le coup, c'est pas respectueux du tout. Ouais. Je prends ça qu'une vieille balayette, tu mets dans un pot, tu fais hop, c'est bon. Hey. Ouais, moyen. Voilà, et puis deux jours plus tard, on te retrouve mort chez toi. C'est ça. C'est un gros manque de respect. Du coup, il se débarrasse comment des cendres quand c'est comme ça? Il les laisse. Bah, pour le coup, les cendres vont être ramassées. Juste une merde. Elles vont être ramassées et puis elles vont être. On va être disséminé hein, comme ils ont l'habitude de le faire hein. Pendant la nuit, bien entendu. Et ils vont attendre le soleil. Ça, tout le monde tombe en cendres. Non mais voilà, les cendres vont être ramassées sous peu et vont être emmenées. Du coup, comme je vous disais, là c'est la caca. C'est la caca très très fort parce que tout le monde commence à accuser tout le monde. Okay. Et c'est un peu... Ouais, je vous dis, hein, c'est la merde. Tout le monde commence à accuser tout le monde. Oui, mais vous, je vous ai vu, vous étiez en train de rôder tout à l'heure auprès de la salle. Non, mais c'était vous. Même les plus jeunes, en fait, hein, même vous. Vous. Peut-être vous, hein, je ne sais pas, si l'un de vous commence à accuser quelqu'un ou à faire des choses. Moi, je peux dire à mon sire en mode, t'as vu les connards de mi-temps? Ouais, tu vois On t'a pas qu'il entendu. avait. Je veux bien que J'ai tu pas répètes. entendu? Non, on t'a pas entendu, tu as coupé. Ok. Ah, du coup, j'ai dit. Je peux dire à mon sire, genre. T'as vu les connards de mythe alimentaire, là, ou les assamis, tu sais pas quoi, là, les machins qui tuent les trucs, ouais. Ils étaient quand même pas super réjouis de la paix, hein. Moi, je pense que c'est quand même des. Hein, quand même. Et puis, ils avaient l'air quand même sacrément contents qu'il soit mort, le mec, hein. Je pense que c'est. Il y a un bruit sous le tapis, là. Moi, ouais, c'est pareil, je les regarde un peu de loin, je les observe, les gars. Je dis rien, mais j'observe. Pareil. Moi, clairement, je dis à Amber que. Enfin, je demande son avis, mais clairement, je suis de l'avis de. Voilà, de Dédra, parce que là, ça. Enfin, ça saute aux yeux, quoi. D'accord. Vous êtes tous de Alors, l'avis pourquoi? Moi, j'attends comme d'hab ce que va dire mon. Et Venom, ouais, du coup, elle en pense quoi, Amber? Bah Amber, elle est un peu méfiante aussi, hein. Mais Amber, elle l'aura jamais fait confiance, hein. D'accord, Elle donc elle est l'aura un peu jamais mauvaise fait foi. confiance, hein, à ces Ouais. trucs-là. Voyant. De toute façon, on connaît leur nom, hein, les assassins. Ouais. Il fallait bien que ça commence à dire ça. Il fallait bien que ça arrive un jour. Et vous voyez les Assamites qui commencent à vous regarder, ils sont vraiment à l'écart, en train de discuter juste entre eux. J'allais dire un peu comme tout le monde, mais non, pas vous, parce que vous, justement, vous êtes tous rassemblés. Alors vous êtes, c'est assez bizarre parce que vous êtes un petit groupe d'une dizaine de personnes, hein, en réalité. Il y a donc vos quatre sires qui, pour le coup, eux, ont l'impression d'avoir vraiment complètement fait la paix. C'est-à-dire que autant tout à l'heure ils se regardaient froidement, ils se saluaient pas, ils se machin, là ils sont en train de discuter. Et vous voyez, il y a d'autres groupes, d'autres petits groupes. Vous pouvez voir des brouillards en train de parler avec des Nosferatu, en train de se regarder. Problème, c'est qu'il y a toujours voilà, tout le monde qui suspecte un peu tout le monde. Et donc autant il y a des groupes qui sont entre eux en train de discuter, qui ont l'air calmes, qui ont l'air un peu comme vous. Autant il y en a clairement où ça commence à partir aux mains et où d'autres groupes doivent venir les calmer. Vous êtes peut-être pas vous quand même, parce que ils vous enverraient voler en moins de 3 secondes. Mais il y a d'autres groupes qui essayent de les calmer, qui essayent de calmer les choses. Ça s'accuse à droite à gauche, en réalité. C'est ça le gros problème, c'est que ça s'accuse à droite à gauche. Tout le monde dit oui, non, mais c'est votre faute à vous. Et les autres, ah non, c'est votre faute à vous. Question. C'est le gros bordel, oui. Est-ce que les Assamites sont en train de discuter entre eux? Ils ont quel comportement là? Ah bah ils sont renfermés. Ah, ils ont tous des grandes tous des sortes de grandes capes. Grande cape avec des capuches et tout. La plupart ont mis leurs capuches. Donc leurs visages sont plus ou moins cachés. Ils sont vraiment très clairement en train de discuter entre eux. Et Et c'est du coup, un petit groupe, hein. Ils sont une bonne quinzaine, hein. je vais utiliser l'occultation pour essayer de me rapprocher sans qu'ils me détectent, pour essayer d'écouter un peu leur conversation. Je vais profiter du chaos pour faire attention à ce que personne ne fasse attention à moi. Je vais reprendre mon bouquin, je vais ressortir mon. Quoique ce, non, ce sera encore même plus facile pour moi. Excusez-moi, donnez-moi deux Sachant petites que j'ai secondes. l'occultation normalement au niveau 2. T'as l'occultation au niveau 2, je vais juste ouvrir mon PDF discipline. Parce que heureusement j'ai mis des signets un peu partout. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide. L'occultation, donc tu veux utiliser présence invisible, hein, c'est ça? C'est ça. Donc présence invisible, tu peux te déplacer sans être vu. Donc les gens déplacent inconsciemment leur regard. Ok. Très très très très très très bien. Donc tu l'utilises. Ça ne te coûte absolument rien. Ça ne te coûte absolument rien. Ah, je crois. Ah, si! Non, non, non, non, si, Il y a un si, petit si. jet quand même. Oui, il y a un jet. Il y a un jet. Parce que. Ah, quoique. Alors, je suis en train de regarder. Hein. Je réfléchis. Tu vas me faire un jet d'astuce et furtivité, s'il te plaît. Hop, astuce, furtivité, bonus, malus, difficulté. Pas de bonus, pas de malus. La difficulté. Alors, c'est des assamites. Ils sont beaucoup. Tu vas mettre 7. Ok. Ça tourne toujours dans ces eaux-là, hein, le 3. Ok. Bah effectivement, tu t'approches d'eux et tu commences à les entendre. Commence à les entendre, ils sont là. Je sais pas si c'est bien. C'est peut-être pas. Ah, d'un coup, il y a littéralement genre une phrase et demie que tu entends avant qu'il y en ait un qui te regarde. Littéralement, il te regarde. Il fait, tu veux partir de là, petit? On est occupé. Je m'en vais. Je retourne à ma place. Ok. C'est-à-dire que Coucou. vraiment, genre, cramé, le mec, il tourne la tête, dégage. Alors, mais j'étais invisible! S'il te plaît! C'est pas du jeu. Et du coup, je retourne Et tu vers merde, retournes comment vers s'appelle tout le monde. mon c'est. Mais Ouais, de non, toute il façon, s'appelle. il y a tout le monde. Hein, il y a concrètement tout le monde qui est là en train de parler. Du Hein, coup, j'essaye de dire discrètement à Julianne, peut-être que les autres m'entendent, mais je suis pas sûr que ça soit eux. Ils sont en train de se poser des questions sur si oui ou non, c'est une bonne chose ce qui vient de se passer. Donc, en RP. Hein. ouais, je sais, je suis pas sûr qu'il soit réellement responsable de ce qui s'est passé. C'est vraiment, je parle à Julien, je lui dis ça assez discrètement. Les autres m'entendent peut-être parce qu'ils sont proches, mais je le crie pas non plus. Oui, ils l'entendent, hein. Vous êtes tous en train de discuter à voix basse, donc vous êtes tous en train de faire attention un peu à ce que disent les autres. Parce que moi, c'est justement en entendant les soupçons des autres que je me suis dit, je vais aller les espionner. Mais à Bien part, fait. j'ai juste une bride de phrases. Ils avaient l'air de se poser la question si c'était une bonne chose, même pour eux, ce qui vient de se passer. Donc, je suis pas sûr qu'ils soient réellement responsables. Ou, en tout cas, s'il y en a un qui est mouillé à ça, c'est pas tout le groupe, qui est responsable. Je vais demander à Tapani, est-ce qu'il manque quelqu'un dans la salle, au fait? Bah, il est en train de regarder. Bah, il manque plein de monde. Pour le moment. Tous ceux qui sont en train d'enquêter dehors, ouais. Bah, c'est ça en fait. Et parmi les personnes importantes, vous n'avez pas remarqué une qui était absente? Bah, les Avant. personnes importantes avant, non. Il n'y avait pas. De toute façon, si c'est un coup qui a été prévu par un groupe en particulier, c'est pas une des personnes les plus importantes qui serait bougée elle-même. Elle aurait envoyé Oui. quelqu'un faire le sale boulot à sa Je place. pense que c'est quelqu'un de fort. Parce que quand même, pour tuer le boss des boss, il faut quand même avoir sacrée performance. Forcément pas quelqu'un qui a attiré l'attention en partant, qui aurait en manquant à la salle, qui aurait fait ça, c'est forcément un sous-fifre, mais quand même sacré sous-fifre, quoi. Genre le bras droit, quelque Ouais. chose quoi. Mais Un mec que tout le monde s'en branle, mais qui est quand même sacrément fort. c'est pas même le chef, quelqu'un, c'est pas le chef de clan directement, ou un chef de clan directement. même quelqu'un d'extérieur, genre Et mercenaire. je suis même pas sûr que ce soit un clan qui ait fait ça. C'est peut-être un mercenaire aussi, hein, quelqu'un d'extérieur. Bah Je après, pense que pour faire concrètement, face. toute une partie, une énorme, énorme, énorme partie des vampires de Seattle et des environs sont dans le coin. Et justement, il y a tous les chefs de clan, mais quand je dis chef de clan, c'est pas ça va pas être d'aider le boulanger du coin. qui gère que la région de Seattle. Non, non. Il y a les chefs de clan. Ceux dont on vous a parlé, ceux quasiment des légendes, les grands anciens, ils sont là. Pas les antédiluviens non plus, mais la plupart des gens qui représentent les niveau clans. Niveau national. Niveau international. International. Niveau, je disais dans le couille, quoi. Ah, niveau genre... genre niveau le mec qui t'a fait passer dans la warp zone. Oh là. Voilà, c'est ça. J'ai au moins des warp zones, c'est chiant. Et ouais, mais du coup... D'ailleurs, le mec de la warp zone hein, qui s'appelait Christopher. Et du coup, lui, Christopher, il est dans les parages. Ah bah Christopher, il est encore dans la salle. Et même il nous parlait, donc à part s'il a un dédoublement que c'est Naruto. Bah, il aurait pu être avec ceux qui étaient à l'extérieur en train d'enquêter là. Non non, lui il enquête pas. Je peux me diriger vers lui. Bah actuellement il est au niveau des cendres si tu veux. Il est en train de gérer. Tu l'entends pas en fait, tu l'entends pas, mais tu vois très clairement en train de donner des ordres à d'autres vampires. Et t'es en train de te dire d'accord. C'est ce que je veux dire. Genre là c'est sérieux. Tu sens que le mec il est sérieux. Et autant, enfin, c'est-à-dire que même quand vous étiez en train de lui péter les couilles tout à l'heure à discuter et qu'il a voulu ramener le silence, même là il avait pas l'air aussi sérieux qu'il l'est maintenant. Ouais, parce que c'est la jeunesse, tu vois. Comme quand tu parles en cours, les professeurs sont saoulés, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Alors que là, tu sens que si tu lui casses les couilles, il t'atomise. Littéralement. Là, il claque des doigts et tu n'existes plus. Je vais juste m'approcher, juste pour qu'il remarque ma présence, et sans lui péter les couilles, juste pour lui faire comprendre, juste par ma présence, que je voudrais discuter avec lui. Si tu meurs, dis-toi que j'ai été ravie de ne pas te rencontrer. Ça fait un plaisir de te connaître, même si je te connais pas vraiment. Je reste à distance, je vais pas non plus juste à côté de lui à y taper l'épaule. Tu sens ton souffle sur l'épaule. Je reste à l'entrée de la porte, juste de manière à ce qu'il me voit et pour me faire remarquer et pour lui qu'il comprenne que j'aimerais lui parler dès qu'il a un instant. Bah alors actuellement, il va. Fais gaffe, la warp zone, c'est chiant. Actuellement, il va rien remarquer. Hein. Je vais rester planté dans le coin, pas très loin. Si je te dis, là, il y a encore pas mal de monde dans la salle, si tu veux. Moi, je vais rester pas loin de lui quand même pour dès qu'il a un moment essayer de pouvoir l'apostropher. Il y a l'entrée avec une pancarte. La pancarte Christopher, c'est comme dans les aéroports. Je cherche Christopher. Bah, du coup, les autres. Bah clairement, en fait, c'est ce que je voulais faire. Genre m'adosser pas sur la porte où il y a les cendres et tout, mais juste à côté du mur, comme ça, j'essaie d'écouter un peu ce qui se passe. Et en même temps, je jette un œil sur la salle. Voilà, j'observe. Excusez-moi. J'essaie d'écouter aux portes, mais. Tout en regardant, quoi. Ok. Est-ce que moi, je peux aller voir Sig et, lui demander si genre... En roleplay. S'il te plaît. Est-ce que je peux rester avec toi? Parce que, genre, d'habitude, je don't give a fuck, mais là, j'ai un peu peur. Bah, ouais, si tu veux. Ok, merci. Du coup, je me mets juste derrière. Parfait. Super! D'ailleurs, lui en mode waouh! Par contre, j'essaie d'écouter donc. Okay. Moi, sinon, Tapani, je me demande. Et on fait quoi maintenant? Ah, Tapani, il te regarde, il fait on attend. On voudrait pas paraître. Paraître comment? Suspect. Ouais. Il y en a déjà dans cette salle qui doivent nous suspecter. Je reste derrière lui. Un peu sur le côté. Mais comment tu connais mon prénom en fait? Parce que c'est Parce que Parce que mais je l'ai entendu. Voilà, elle je a l'ai entendu avec. Et je l'ai forcément entendu quelque part. On a forcément entendu nos prénoms parce que Nocier, il nous appelle pas en mode sale merde. Et comment on était ensemble On a forcément entendu le prénom de tout le monde. Numéro ça, vous êtes restés plus ou moins ensemble et effectivement. Ah, je sais pas, je suis peut-être tout le monde. Numéro 13. toi, Larbin. Eh, hey, petite merde. Larbin numéro 3, s'il te plaît, là, tu te ramènes tout. Non mais voilà. Donc on a, alors que je récapitule, on a David qui est en train d'attendre à la porte. Pas loin de là où. Pas loin de la porte là où il y a tout le monde qui est en train de paniquer. D'ailleurs tu vois hein, il y a tout un tas de vampires qui commencent à rentrer. Il y en a qui sont furieux. Ah, il y en a qui sont furieux, il y en a qui sont tristes. L'air triste, du moins. Il y en a qui ont l'air fatigués. Il y en a qui ont l'air fatigués. T'en as un ou deux qui rentrent, et ça te fait un peu rire parce qu'ils ont des. Ils ont des traits d'un coup très animaux. T'en as un qui a des moustaches de chat. Ça me rappelle un flashback du moment de ma mort. Non, ça me fait penser à Saddam Hussein dans Hot Shot. Et t'en as un autre qui a deux petites oreilles, c'est sur le haut du crâne, et qui essaye un peu de les cacher avec ses cheveux. Qui ressortent. Et lui a l'air plus embarrassé qu'autre chose. C'est à peu près tout hein. une fois que les ordres ont été donnés de se séparer donc ils ont ramassé les cendres, ça y est. Elles ont été mises dans une urne mais c'est vraiment genre pour le moment, on vous fait comprendre que c'est pour le moment. Ça n'a pas été fait avec un Dyson, quoi. C'est... Non, ça n'a pas été fait avec un Dyson, non. Pourtant, c'est pas de moi, une Dyson. Oui, c'est vrai. Mais le Dyson, d'ailleurs, ne fait même pas peur à mes chats. C'est bien. Ouais. Du coup, est-ce que Christopher me remarque ou est-ce qu'il est plus abordable? Là, il a l'air plus... un poil plus abordable. Maintenant. D'accord, donc je vais essayer de m'approcher. Tu t'approches, tu sens une grande tristesse sur son visage. Du coup, je vais essayer d'entamer la discussion avec et lui demander surtout s'il a une vague idée de roleplay. De qui ça pourrait. Roleplay. À quel clan. Oui, désolé. Excusez-moi. Oui. Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez une vague idée d'à quel clan pourrait profiter ce qui vient de se passer? Tous? C'est la triste vérité, hein. Malheureusement. On aurait beau avoir l'impression que chaque clan serait dévasté. Perte de notre cher Bill. Malheureusement, tous les clans auraient à tirer de ceci, tout comme les sectes. C'était lui. Je peux me permettre? Oui. Ouais, j'arrive. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous poser une question également? Vous venez de le faire, mais allez-y. L'autre. Alors, je vous pose une deuxième question pour le coup. Est-ce que vous avez un quelconque lien de parenté avec cette personne? De tête sombre. Oh, tu vas te faire ta main. La warp zone. Dun, dun, dun, dun. Là, je lui donne un coup de coude en mode. Il est trigger. Le mec est trigger. Ouais, non, mais attends, je veux savoir. Non, mais non, on prend autour du pot, c'est bon. Il te regarde et en fait. Là où vous, Dédra et David, vous avez un espèce de moment de Et moi là, ma respiration s'est coupée depuis 10 minutes. Hein. Je respire plus. Je suis mort. C'est ça. Là où vous avez ça, il te regarde, toi. Il a un petit sourire en fait. Genre, même pas triste ou quoi. Tu sens qu'il est amusé. Mais FDP, moi tout à l'heure, je l'ai pas amusé. Il m'a envoyé en warp zone. Hein. Tu sens qu'il est amusé, ça le... Tu comprends pas, en fait, ça le fait marrer, quoi. Ça le fait marrer, il te regarde, il fait... Vous pensez vraiment que je suis de la famille de Bill Gates? Regarde sur Wikipédia, tu verras, je suis pas dedans. C'est ça. Genre, il y avait vraiment Bill Gates dans le... Ok. Techniquement, je cherche juste des réponses. Depuis tout à l'heure, je m'en pose juste une question. Vous regardez, il fait non, mademoiselle, je ne suis absolument pas de la famille de notre défunt. Bill Gates. Il est mort en vrai ou pas, Bill Gates? Je sais plus. Non, il est absolument pas mort, Bill Gates, non. On le saurait, sinon. Par contre, c'est peut-être un vampire, ça on le sait pas. C'est Steve Jobs qui est mort. C'est Steve Jobs qui est mort. Et du coup, pour avoir vite fait entendu une bribe de conversation entre eux, j'ai pas l'impression que les Asami soient responsables réellement de ce qui vient de se passer. Mais à moins que ça soit l'œuvre isolée de l'un d'entre eux qui n'ait pas demandé leur avis aux autres, mais en tout cas, le clan lui-même n'a pas l'air réellement. Il se demande vraiment si ça sera réellement profitable au final. De ce que j'ai pu entendre, j'ai vraiment entendu une phrase et demie, donc. Mais ils sont vraiment en train de se poser des questions. Il te regarde, il fait « Je serai vous, je ne ferai pas d'assomption comme celle-ci. » Nous pouvons pas savoir. Et faire des accusations comme celle-ci serait plutôt grave. Justement, je les accuse pas, j'essaye de les disculper, là, pour le coup. Et là, genre, nous savons que les Asamites sont très particuliers. Malheureusement. Pour le coup, justement, ils ont eu un comportement assez suspect. C'est pour ça que j'ai voulu essayer d'écouter ce qu'ils se disaient. Et justement, ils n'avaient pas l'air d'être au courant de ce qui s'était passé. Ils avaient plutôt l'air de se poser des questions. Croyez-moi, il sera difficile de le savoir. Bref, tout le monde est rentré. Je vous invite à rejoindre les personnes avec qui vous êtes. Vous m'avez l'air jeune. Du coup, moi, je fais demi-tour. Je vais pas l'embêter plus que ça. Moi, je respire. Je reste avec des draps. Championne d'apnée. Je vais faire une réanimation quelconque. Que aussi je t'en avais pas, mais faut vraiment faire gaffe. Voilà. C'est champion du monde d'apnée depuis tout à l'heure. Ouais, c'est grave. Ah, mais complètement. Ah, j'ai battu tous les records. Depuis, ça fait 45 minutes qu'elle ne respire plus. En même temps, elle n'a plus besoin de respirer, hein, étant donné que vous êtes des vampires, vous en foutez de l'oxygène. Oui. Mais... C'est un détail. C'est quand même toujours sympathique d'avoir de l'air dans les poumons. Ouais, bah là pour le coup, je suis devenu bleu. Sans sentir le truc de l'oxygénation nulle, je suis quand même grave bleu en mode oui, super, je vais mourir. Putain, là, je trompe parmi nous. Premier vampire qui meurt de l'asphyxie. L'asphyxie. Auto-asphyxie en plus. C'est... Ouais. Putain, il est mort comment ce qu'on l'a? Il a oublié d'aspirer. Ah. J'ai la flemme de respirer, oh. Désolé. Ah, j'avais la flemme de respirer, frère. Hein. Ah, c'est chiant. Hein. Ça, ça demande des muscles quand même au niveau du torse. Ouais, j'ai pas envie de me muscler quoi, j'aime bien être gros. Je suis pas parfait. Du coup, moi je retourne vers. J'oublie son nom, je crois vers Julian. Tourne vers Julian, très bien. Mais tout le monde affiche une mine plutôt grave. Grave, personne n'a l'air vraiment ta gueule. Personne n'a l'air vraiment à l'aise. Il y a vraiment un silence de mort. si on peut dire. C'est quoi de le dire? Pas ta peau. Il y a vraiment un silence de mort, et du coup... parce qu'il y a un mort, justement. Et voilà, mais justement, c'était ça la blague, merci Sig. Du coup, je regarde Bilan et je lui dis, mais comment on va gérer l'annonce de la mort de Bill Gates? Parce que c'est quand même une figure publique, ils vont se rendre compte, les gens, qu'il a disparu. Sosie. T'en fais pas pour ça, c'est pas la première fois... Tu te souviens de Tupac? Non, mais PTBR. J'en avais eu plein, gars. Il arrive dans sa voiture. Si un jour David Lafarge, il meurt, j'ai très envie qu'en fait ce soit un vampire. Ce soit un vieux tas de sang qui passe. Coucou! Coucou! Je suis un putain d'empire, quel roi. Et du coup, Tupac. Du coup, Tupac, oui. Revenons à Tupac. Tupac, vous vous souvenez de l'histoire qui est sortie? Il a été fusillé. C'est un clone. Bah non. Non. Mort, enfin. Pas comme ouais, ça. On sait qui c'est qui l'a fait. C'était un Nosferatu qu'il aimait pas trop. Il a décidé d'aller. Vraiment des sales cons, les Nosferatu. Ils sont moches et ils sont chiants. Il y a littéralement un Nosferatu devant toi qui se retourne. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai juste que vous êtes sacrément moche quand même. Et là, excusez-moi, mais. Ils ont un gros coup de coude en mode, mais tais-toi donc, toi. Vraiment, j'éclate de rire, toi. Merci de me soutenir dans ce moment dur ou jusqu'à me faire péter la gueule si tu devais vachement plus avec nous. High five. Moi, c'est à dire que le mec il commence à s'avancer en fait vers toi, et il y a Berryvoy qui s'interpose, il fait non mon pote, t'as pas envie de faire ça. Le mec il le toise, tu vois, les deux ils se toisent pendant un moment. Puis une Nosferatu finit pas se retourner. À se recroqueviller et rouler par terre comme c'est un truc dégueu. Alors juste se retourner, mais... Péteux. Voilà, il est pas content. Il est péteux. Il est pas content. Moi, je vais demander au mec, là, je sais pas comment il s'appelle. Quel mec? Idriss qui était devant ta de sonde là qui parlait tout à l'heure, je sais pas comment il s'appelle. Christopher. Yes. Je lui demande s'il y a vraiment un surtout qui a tué Tupac parce qu'il n'aimait pas sa musique. Mais alors, c'est-à-dire que là, Chris, il est pas là. Vous êtes tous rentrés à l'intérieur. Okay. Vous êtes tous dans la grande salle de bal. Tous regroupés. Christopher, il est encore dans la salle. Je dis rien du tout. T'imagines si les haters c'est des vampires et tuerait tout le monde. Oh mon dieu. En même temps, Maître Gim et Tupac, c'est pas très... Maître Gim, c'est un reptilien, pas pareil. Il s'appelle comme vous. Bon, oui, du coup, je le dis rien. J'attends. Ok, donc vous attendez. Vous bon, attendez que... Je lui dis quand même, je crois que tu viens de te faire un ennemi, là. Moi je fais, oh, c'est pas le premier. Non, j'observe. Non mais je note. Vous observez, c'est très bien. Pour le moment, il y a pas grand chose. C'est-à-dire que les gens ils attendent en fait. Pour le moment, tout le monde attend. Et c'est assez. Dans le silence, ouais. Ok. Tout le monde attend dans le silence et quelques murmures de temps en temps. Est-ce qu'on entend des bruits de paix? Non, vous n'entendez pas des bruits de paix, mais par contre, vous sentez un espèce de vent froid. C'est moi, je pète du froid, désolé. Putain, je suis trop désolé. Vous sentez du froid, vous êtes là, genre... Qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux, trois qui regardent autour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fenêtre qui est ouverte? Une fenêtre ou une porte est ouverte. Il y a une fenêtre qui est ouverte, mais c'est pas vraiment une fenêtre. Ah putain de pervers. Donc c'est typiquement dans ce genre de situation où j'ai envie de péter dans la vraie vie. Et voilà. Et finalement, Christopher finit par rentrer. Non, excusez-moi, hein, je suis en train de finir deux trois trucs. Hein. En même temps que je vous gère, tout le monde sait que je vous gère easy. Et voilà, donc il finit par rentrer dans la grande salle. Donc le peu de bruit qu'il y avait s'atténue d'un coup. Il y a un silence très très pesant. Je vais noter ça là. Je suis en train de prendre mes propres notes, hein, comme ça je peux vous foutre dans la merde après. Oh. C'est intéressant. Donc le Nosferatu, t'es sûr qu'il va revenir, des draps? Oui, il veut revenir pour mon cul, là, franchement, là, il fout sa gueule. Dans un petit coin sombre, voilà, comme un rat. Clairement, il vient, juste pour ça, je l'aime. Ah ben, on le met down, hein, il pète les genoux, il pète les voitures. Donc, il finit par rentrer, il y a un silence. Il regarde, en fait, toute la salle. Ça qui est assez impressionnant, c'est que le mec, il est en train de scruter la salle. Et tout le monde se tait. Et vous avez l'impression qu'il cherche quelque chose. Mais comme ça, vous ne sauriez pas dire quoi. Il regarde, vous avez l'impression qu'il regarde les visages. Des fois, il fronce un peu des sourcils. Comme s'il cherchait quelqu'un, en fait. Comme si... Il cherchait quelqu'un plutôt que quelque chose. Ouais, un peu ça. Quelqu'un, okay. Quelque chose, vous saurez pas trop dire. Je lâche un P bien fort. Tu pètes bien fort. Ah, donc tu tâches ton caleçon, hein. Désolé, c'est le stress, ça me travaille toujours les intestins. Enfin, j'ai dé pour ça si c'est un P fort. Ah bah, il est complètement foireux, puisque, je vous le rappelle, votre corps n'est constitué que de sang. Putain. Donc, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, tu tâches ton caleçon, et il va falloir le laver. Et c'est du sang. Parce que c'est du sang. Est-ce que tu portes vraiment un caleçon? C'est la question. Il connaît pas Billy Mays. C'est vrai que connaissant David, est-ce qu'il porte un caleçon? C'est une bonne question. Je me suis habillé un minimum de manière classe parce que je savais que c'était une réunion importante. Oui, mais non, je pense qu'on peut corriger ta phrase. Tu t'es habillé un minimum. Point. Le strict minimum, quoi, histoire de cacher un peu, mais pas trop non plus. Quoi. Non, c'est parce qu'habituellement, je me trimballe en pyjama, là, c'est... Ouais, oui, c'est ça. Pyjama avec une cravate, histoire de... Voilà. Le mec, c'est ça pour faire mec, professionnel. Il a fait un cosplay de Donkey Kong, en fait. Et une cravate pour faire bien. C'est ça. Mais ouais, il y a tout qui vole autour, genre. Là, il y a jean et chemise, là, minimum. Bon, mais pas de chaussettes. C'est très bien. Ah non, c'est jean, chemise et sandales, par contre. C'est... Avec des chaussettes dedans? Non, pas de chaussettes, je respecte un minimum. Mais ouais, du coup, t'as Christopher qui regarde. Du coup, il y a Christopher qui regarde tout le monde. Et d'un coup, donc, il s'arrête. Il regarde la salle plus en son ensemble. Et il fait... Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. Il n'y a personne qui parle. Et je reformulais. C'est son cul qui a parlé. Je reformule. Si le coupable veut se dénoncer, qu'il le fasse maintenant. Est-ce que je peux montrer du doigt? Genre, je le montre grave du doigt. Genre. Ouais, tu montres qui du doigt? David. Tu montes David du doigt. C'est tellement pas crédible. Mais tu sais, genre innocemment, genre. Ouh. Il m'a vu passer après le hurlement devant lui pour aller voir ce qui se passe. C'est juste pas crédible. Et tu regardes, Dédra. Hé hey. T'es encore dans la merde. C'est pas pour le paix. Ah, on parlait pas du coupable du paix, d'accord. Mais oui, le coupable du paix. Je pensais qu'on parlait encore du paix. Parce qu'il y a eu un silence, il y a eu un paix, et d'un coup il fait c'est qui le coupable, c'est le paix. Je me fais spam. C'est ça, avec les draps, moi je vais prendre David. Hein, si c'est... c'est pour le paix, moi je. Tu regardes, il fait dernier rappel. Je me si le coupable même. Veut se dénoncer, qu'il le fasse maintenant. Et là, en fait, il y a une clameur qui commence à monter. Il y a un mec qui s'avance et qui fait ah, ce sont les Assamites, j'en suis sûr. Oh. Raciste. Il y a Christopher qui le regarde, qui fait excusez-moi, je recherche le nom. J'ai noté tous mes noms, mais alors je m'en souviens déjà pas. Il fait Michael, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi je dis, sont eux. Il fait en pointant les Assamites. Ah, immédiatement les Assamites. Bah, ils ripostent même pas. Ça qui est étrange, encore plus, c'est que ils le regardent. Il y en a un ou deux qui commencent à ricaner un peu. Les autres restent complètement genre bah non, on s'en fout en fait. On s'en fout, on t'écoute pas. Il y a plusieurs personnes dans l'assemblée qui sont là, ouais c'est les Assamites. Il y en a d'autres qui disent, ouais c'est ça, moi je suis sûr que c'est les gangrels qu'on fait ça, parce qu'ils vendent des armes. Oh non. Et ça commence à partir en bordel absolu. Parce que là où tout à l'heure tout le monde s'accusait discrètement, en petit groupe, là tout le monde est en train de gueuler sur tout le monde. Et Christopher, lui, il bouge plus. Il écoute. Oui. Je hausse la voix, enfin, dans le jeu, parce que je peux pas faire ce que ma mère a à voir. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Tu gueules ça? Ouais, mais je peux pas le faire parce que ma mère adore. Il y a absolument personne qui te répond. Personne t'a entendu, en fait. Tout le monde est vraiment trop en train de se gueuler dessus. Je n'ai pas de charisme. Sinon, moi, je vais essayer de m'approcher à nouveau de Christopher pour lui donner ma carte. Vous appelez comme vous voulez. Hein. Non, mais c'est surtout relatif à mon métier. C'est le numéro des flics. Oui. Je suis gardien de la paix. Gardien du paix. Alors, il te regarde. Mais vraiment, genre, il prend ta carte. Il regarde ta carte et il la met dans sa poche. D'accord. Déjà, il a pris ta carte, c'est pas comme tous les gens qui prennent les stagiaires et finalement ils les prennent pas. Hein. Ça sent le vécu. Oui. Ils prennent ton CV, ils regardent et ils jettent à la poubelle. Ouais. Et il l'a mis dans sa poche. Il doit comprendre pourquoi je lui laisse ça, puis je retourne à ma place. Mm-hmm. Et donc il attend encore un peu, il y a tout le monde. Et d'un coup, il lève une main. Il y a quoi dans sa main? Il y a rien. Il y a rien dans sa main, il lève juste la main. Il fait un signe particulier ou... Non, non, il fait un signe du métal. Métal bleu, bleu, bleu. Too sweet, bro. Non, non, non, il lève juste la main, les doigts normaux, sa main normale, les doigts normaux, tout normal. Il y a tout le monde qui se tait. Oh. Oui, ma mère, je me tais. Mais alors, d'un coup, il regarde... il se tourne vers Michael. Il fait Tremere. Qu'est-ce qu'il te pense à dire ça? Le mec le regarde et là, genre vous avez vu leur comportement. De toute façon, on sait que c'est des assassins. Ça, il le regarde, il fait retournez à votre place. Oh. Po. je parie. Ah, on t'a pas entendu. On t'a pas entendu. Non. Triste. Bah, je voulais juste dire que moi, je suis dans mode. Chaud. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Michael justement qui il y a ce qu'on appelle un stare down. J'ai pas le mot en français, mais il se regarde vraiment les yeux dans les yeux pendant. Ça dure que 10 secondes, mais ça a l'air d'être une éternité. Mais vraiment, genre, ça a l'air d'être une éternité. Mais est-ce que toute la vie n'est pas une éternité pour les vampires au final? Est-ce que 10 secondes ne serait pas qu'une éternité? C'est bon, j'ai du. Est-ce que tu veux bien fermer ta gueule? Oh, mais c'était hyper philosophique. Non, non, mais ça a l'air d'être une éternité. Vous dites en fait, à chaque seconde qui passe, ça va partir en couille, ça va partir en couille, ça va partir en couille, ça va partir en couille. Je me mets sur mes gardes, perso. Donc tu te mets sur. Je fais rien. Hein. Tu te mets sur. Comment c'est sur un arbre. Alors littéralement dessus, genre tu y grimpes dessus, t'es là, genre, hey, je suis prête. Non, mais je me dis si ça part en couille, enfin, je me prépare, quoi. Et... pas à taper dans le tas, mais si voilà, si y a de la violence qui se prépare. Donc ouais, il y a 10 secondes où ils se regardent. Ouais, parce que moi ça me, je suis pas forcément à l'aise et du coup je me dis ça va partir en couille. Et puis Michael part. Ok. Et bon. Vraiment genre vraiment si vous voulez la définition de la queue entre les jambes, c'est comme ça. Est-ce que c'est un peu une drag queen du coup qui met un peu ça avec non. C'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment la queue entre les jambes, 2000%. Ah, j'ai des images. Ah. Et il est pas... On voit qu'il est pas du tout à l'aise. Hein. Bah, voir la queue entre les jambes, ça va être sacrément dur, quand même. Hein. Alors, d'expérience, non. Du coup... Ça s'use beaucoup sur ta... Ah bah, c'est vous qui cherchez, hein. Je veux dire, à un moment, si vous... Faites pas des blagues comme ça si vous voulez pas des blagues comme ça. Il regarde tout le monde. Il fait très bien. Le coupable ne veut pas se présenter. Il y a un silence. Et il fait... Ok. La chasse de sang sera donc ouverte. Pas... La quoi ? La chasse de sang. La chasse de sang, c'est dans la chasse. Il dit la chasse de sang sera donc ouverte. Je regarde. Malgré tout ceci, nous ne tuerons pas sans preuve. Nous ne sommes pas des animaux. Il regarde. Il vous regarde, vous, Sig et Amber. Il fait. Je suis vraiment tentée de lui faire un doigt d'honneur, mais je... Non. Mais non, mais c'est parce que vous êtes littéralement des animaux, en fait. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je suis tentée de... C'est comme les autres avec... Tu peux lui lancer à regarder des news. Il vous regarde vous. Il regarde aussi un peu les Nosferatu, d'ailleurs. Il fait, nous ne sommes pas des animaux. Malgré que ce soit une chasse de sang, le premier meurtre non expliqué sera puni de mort. Est-ce clair? Oui. Et là, il y a tout le monde qui hoche de la tête, en fait. C'est-à-dire que vous hochez de la tête. Il n'y a personne qui ose parler. Et moi, je souris. Tu souris? Ouais. D'accord, très bien. Donc, oui. Putain, je me perds, du coup. Je mets un petit coup de Juliane. C'est quoi exactement la chasse de sang? La chasse de sang. Ouais. On en parle dehors, d'accord. Quand tu cherches du sang. C'est comme un peu les autres packs, mais avec du sang, comme les boudins. On cherche des boudins. Des boudins noirs. Donc, la chasse de sang est ouverte. Nous ne tuerons pas sans avoir de preuves, blablabla. Et il vous regarde, il fait « Néanmoins, si le coupable veut se dénoncer, mon bureau est toujours ouvert, ma porte est toujours ouverte. N'hésitez pas. » Il est où, votre bureau? Il te regarde et il fait « Il pointe, en fait, tout simplement. Il fait « Tout ça, c'est mon bureau. » Vous êtes chez moi. C'est bon. Grand. C'est grand votre bureau, quand même, chaud. Effectivement. Pour le ménage, ça va pas être simple. Du coup, vous regardez peut-être un petit peu autour, quand même. Bah, moi, je dis à Tapani, il doit avoir une grande fortune, je sais pas. Tapani, il te regarde, il éclate de rire. Il éclate de rire, en fait, tout simplement. Peut-être d'ailleurs, t'es qui? C'est un petit peu ça, c'est un petit peu le PTDRT qui. Et ouais, je sais pas si, enfin, si vous vous regardez aux alentours. Non, je me demande juste pourquoi il rigole. Moi, j'observe un peu hein, depuis tout. Alors, je vais vous le répéter en RP, s'il vous plaît. Moi, je continue à observer un peu tout ce qui se passe. Hein. Depuis le début, je suis quelqu'un qui observe tout le temps, en fait, quand je fais pas un autre truc en particulier. Du coup, je demande. Vas-y. Alors, je vais juste. Vous allez tous me faire rapidement un jet de perception vigilance. En fait, avant, j'aimerais bien de. Attends, pourquoi il a rigolé? Enfin, pourquoi? Je vais te le répéter. Voilà, je vais te le répéter encore une fois en RP, s'il te plaît. C'est fait. J'ai dit de sinon. T'as vu le manoir? T'as vu, il te pointe en fait un mur, il y a un tableau magnifique dessus. Et il te regarde, il fait. Je pense qu'il a pas l'air riche, ce mec. Est-ce que je reconnais l'artiste? Juste comme ça. Probablement, oui. Okay. En effet. Probablement. Du coup, les GD, on fait quoi, t'as dit? J'en sais même plus. Vigilance, attention. Perception, vigilance, s'il vous plaît. Attends. Alors, un par un, c'est-à-dire que vous allez le faire un par un, dans l'ordre du Discord. Je le prends. Donc c'est mon premier. Donc, Dedra, David, Rissam, Sig. On est d'accord que quand tu fais un jet, la poule, ça dépend de tes points. Du coup, là, comme j'ai 2 points en perception et 1 point en vigilance, je mets 3. Non. Non, non, non, non. Le pool, en fait, c'est les points que tu as en plus. Ah, ok. Donc C'est-à-dire 2. que si tu veux, tu mets perception, vigilance dans le truc, il te met automatiquement 3D. Ah non. Non, mais c'est-à-dire, il te les affiche pas. Mais si tu veux, genre quand tu fais le lancer de dés, si tu mets pool 0 difficulté, vous allez mettre 6. Donc de base, il vous tirera 3D. 3D Donc, avec ok. le truc 6. Donc, poule, ça reste en 0 du coup. Pool, ça reste en zéro, sauf pour des gens qui ont peut-être qui ont une discipline ou quelque chose comme ça qui leur permet de. Mais Ok. normalement, non. Moi, je pense pas. Non. J'ai représentation. Ok, donc, Dedra, c'est un échec critique. Très Oh. bien. Bah non, pas très bien. La difficulté, du coup, 6. 6. C'était un test pourquoi? C'est où la difficulté d'ailleurs? Moi, je verrai ça à manger. David ne fait rien du tout, très bien. Merci les C'est deux un points. échec. La difficulté, c'est quand tu. Donc tu as le pool. J'ai tout le monde. T'as le pool et après il te dit difficulty, en fait. Et de Après base, elle est sur 6. ce mythe, du coup. Après le premier submit, oui. Donc, difficulté, je touche pas. Tu touches pas, non. Et donc, je lance le dé, parce que c'est un mot. Voilà. 3. Trois, très bien. Et Sig? Deux, nice, 2-10. Joli. Donc effectivement, alors je vais ce que je vais faire, je vais envoyer Dedra et David en privé et je vous ramène juste après. D'accord? Voilà, ça va être tellement bien. Donc, Rissam, Sig, ce que vous voyez, c'est Michael. Vous vous souvenez, le trémère, qui est un peu agité. Il a comme des sortes de tics, surtout au niveau des épaules, là, qui bouge pas mal de ses épaules. Et d'un coup, vous voyez ses mains. Il y a quelque chose de bizarre, c'est comme si ses mains, elles changeaient, mais genre une fraction de seconde. Une fraction de seconde, ses mains ont l'impression de changer et elles redeviennent normales. Mais elles changent en quoi en fait? On arrive à voir ou... Non, en fait, elles ont l'air de changer. C'est comme si sa main avait la main de quelqu'un d'autre qui apparaissait à la place. Tu vois, une autre main. D'accord. Ça C'est reste comme si une tu avais main. une autre main. Ça reste une main normale, D'accord. mais c'est comme si tu avais une autre main qui apparaissait à la place, quoi. D'accord. Et vous êtes là, genre, bon, d'accord, très bien, ok, why not? Sur ce, je vais ramener les deux autres et je vais vous envoyer vous en privé. Est-ce oui. qu'on a le droit de leur dire ou pas? Bah tu peux, oui, tu peux le dire. Enfin, tu peux le dire après à qui tu veux. Okay. Tu peux le dire à qui tu veux. Non, je pensais est-ce qu'on a le droit de le gueuler là tout de suite. Oui, t'aurais le droit de le gueuler là tout de suite. Mais voilà, voilà. Donc je ramène Dedra et David et je vous envoie en privé juste après. Voilà. Oui. Voilà. Ici. Et ici, voilà. Donc vous, vous êtes en train de, vous êtes en train de regarder un petit peu autour de vous. Et d'un coup, vous avez, c'est très bizarre, cette impression. Alors toi, tu as le spex. Ah oui, mais non, tu n'as pas, non, t'as pas la capacité encore pour observer les auras. On est d'accord. Hein. Non. Non. Vous avez l'impression que Christopher, il est louche. Mais genre, vraiment. Genre, toi, ton instinct, il te dit, Christopher, il est louche. À mort. Mais à mort de sa mort, quoi. Il y a, quelque chose qui colle pas dans son comportement, quelque chose... tu saurais pas dire quoi. Mais bah, tu sais très bien, t'as été flic pendant, plus d'une dizaine d'années. Tu le sens. Tu le sens. Il y a un truc qui n'est pas normal. D'accord. Voilà. Je ramène tous nos amis. Et donc là-dessus, bah, il vous regarde, il fait bon bah rentrez chez vous maintenant. La paix a échoué. J'espère que les coupables sont contents. Nous nous retrouvons. Et vous commencez à rentrer chez vous. Qu'est-ce que, est-ce que vous faites quelque chose avant de chacun rentrer avec... vous avez peut-être quand même pas rentré avec vos sires. Si, moi je parlais vite fait à mon sire pour lui dire... Oui, non, non, parce mais vous rentrez pas chez vos sires. Non, non, moi j'ai mon appart. Moi, Non, non, mais je parle vite fait au sire pour lui... Je sais pas si je peux le dire pour lui expliquer ce que je viens de voir. Bah, moi, je voudrais dire un truc à des draps. Parle-moi. Mais après, ça dépend. Vous pouvez parler en privé. Ça dépend si vous avez envie de parler en privé. Ça dépend si vous avez envie de... Vous me dites ? Ouais, je vais lui dire en privé. Ouais, moi aussi. Oh. Ok. Alors, David, Rissam, je vais vous bouger. Et ensuite, je te ramènerai Rissam pour faire la, pour faire la version avec... avec Tapani, merci. Donc, et j'avais une question à Julian aussi. Et ben on te fera toi aussi juste après. Ok, mesdemoiselles, je vous écoute. Oui. Je vous laisse discuter. Moi, je n'existe plus. Edra ? Oui. Ouais, excuse-moi. Tu vois Michael ? Ouais, le mec chiant là-bas qui a gueulé là ? Ouais. Tu montres. Bizarre avec ses mains, en fait. Comme si il arrivait à changer de main en fraction de seconde, c'était assez bizarre. Changer de main? Ouais, comme si c'était pas ses mains à lui, mais une... ouais, pendant un dixième de seconde. Et... Quelque chose de plutôt animal ou d'autres mains? Non, des mains humaines, mais pas les siennes. Je trouve ça super bizarre, en fait. Bah, c'est carrément bizarre, ouais. Il n'y a pas ça, faudra qu'on demande. Bah, faudra peut-être demander aux autres. Ouais. Ok. Ok, ok. C'est bon pour vous? Yes. Oui. Très bien. Alors, je bouge en privé, je ramène Rissa, mais après, je ramènerai David. Ok. Ma chère Rissa, donc. Mm-hmm. Tu voulais discuter avec. Avec Tapani. Je comptais vous dire quelque chose à propos de ce Michael, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je l'ai observé, puis j'ai vu que ses mains changeaient. Genre, un second. Ses mains changeaient? Oui, comme si c'était des mains de quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas de... Non, voyons, c'est pas possible. Pourquoi ça? J'ai entendu parler de changement de visage. Ça demanderait un effort et un pouvoir énorme pour changer entièrement son apparence. C'est... Non. Vous n'avez pas fait attention, genre, à son aura pour voir si c'était normal. Enfin, genre, si c'était bien la sienne. Je ne le connaissais pas jusqu'ici. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire si elle était normale. Ok. Autre chose? Non, je vais rentrer chez moi. Très bien. Je vous laisse rentrer alors. Cher David! Ouais. Tu avais donc des choses à dire à Julian? Ouais, j'étais en train de parler avec. Enfin, je lui avais posé une question quand on était encore dans la salle. Je lui ai demandé ce que c'était que la chasse de sang exactement. Ah, tu regardes, elle fait. La chasse de sang, c'est le seul moment où un vampire est autorisé à tuer un autre vampire. D'accord. Imagine ça comme une exécution publique. D'accord. Mais où la personne qui tue gagne un bonus. Oh. Tu as entendu parler des générations. Ouais. On a évoqué ça hein, dans le. Tu te souviens le chapitre 14 hein. C'était marrant. Mais effectivement, j'ai participé plus jeune à une chasse de sang. Et c'est pour ça que tu as la chance de ne pas être au niveau des personnes que tu as rencontrées ce soir. Hein. Tes trois compères. Tu es jeune. Un peu plus puissant, tu es plus censé être plus vieux. Ça ne changera rien. Mais... Et non, attends, j'ai une autre question. Non, c'était une petite remarque personnelle. Mmh, Christopher. Oui. Vous lui faites confiance en général à ce mec? Généralement, oui. C'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de cool. Je ne vois pas pourquoi on ne lui ferait pas confiance. Je sais pas, il m'a paru un peu bizarre. Mon instinct qui parle un peu. Je pense. Dis-moi, il est un peu particulier, mais ce n'est pas non plus... Non, quand même pas. D'accord. Et du coup, je vais rentrer chez moi. Je te laisse. Ouais, on se revoit demain, hein, pour la leçon, tu sais. Je lui fais signe de la main en retournant le dos. Je pense que... Hop, voilà, rebonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Oh non. Donc vous êtes tous rentrés chez vous. Bah, pour ceux qui ont un chez eux, du coup, parce que. Ouais. D'accord. Alors je vais mettre quelque chose là. Comme ça. Vous n'avez. Avoir plus de ressources. Hein. Non mais oui mais c'est-à-dire qu'aucun de vous. N'a échangé de numéro de téléphone ou de moyen de se contacter. Oh. Moi, c'est normal, quoi. Ah, donc tu comptes pas jouer avec les autres? Si, mais je veux dire, c'est dans la personnalité, tout ça. Bonjour. Bah, après, ils t'ont probablement reconnu, puisque, bah, du coup, hein, renommée mondiale. Mais les autres, vous avez aucun moyen de vous contacter. Pas reconnu du tout. J'aime pas la peinture. Je suis trop hétéro pour ça. Et pour le coup, les autres, en fait, je suis tellement dans mon monde, moi, les autres, je les ai pas calculés en mode je vais en faire des potes. Hein, Mais au final, c'est pas si grave si on n'a pas le numéro de téléphone, parce que nos sires se connaissent entre eux. Oui. On est d'accord. Si nos sires se connaissent pas personnellement. Hein. Ah. Ils savent plus ou moins qui ils sont, mais ils se connaissent pas personnellement. Mais ils ont leur nom, on les retrouve sur Facebook. C'est bon. C'est on fait un compte Grindr. Ça existe Facebook encore? Bah bien entendu, ça existe. On est au jour d'aujourd'hui. On est en 2018. Oh, ok. Ouais, voilà, je sais pas, on les retrouve sur Grindr ou Tinder. Il y a bien Bill Gates qui est mort. Est-ce qu'il y a un film d'or? Ben justement, le lendemain, alors il est minuit, du coup, je vais. On va s'arrêter là. Je pensais pas que vous prendriez autant de temps. Moi, Littéralement, c'était censé être l'intro. Hein. Je veux savoir s'il y a une appli de rencontre pour vampire. Oui. Vampire célibataire. Ou le vampire célibataire de ta région. Du vampire chaud de ta région. Alors laisse-moi réfléchir deux secondes. Laisse-moi réfléchir. Faut juste que je fasse un truc. Il réfléchit sérieusement à la question quand même. Regardez sur Google, en fait, ça existe. En fait, tu imagines ta vie qui regardait d'un seul coup, tu vas rencontrer des succubes chaudes dans ta région. On voit Crow au 36. Crow au 36-36. Excusez-moi, je réfléchis. Oui, il y a une app qui existe. Oh yes. Attention, les vampires ne sont pas des émois. Et c'est Appen, pour ceux qui connaissent. Oh putain, quelle angoisse. Je connais pas du tout. Voilà, c'est en fait, elle a été créée par un vampire. Elle devait être faite pour les vampires, sauf que bah, les gens l'ont vu, et du coup, le problème maintenant, c'est qu'il y a aussi des humains normaux dessus. Mais du coup, avec Appen, du coup, on s'est tous rentrés dedans, vu qu'on est tous célibes, parce qu'on est tous des merdes, du coup, on a tous eu le truc. Ah non, vous n'êtes pas tous célibes, non? Après, tu peux regarder. Oui, puis Appen, surtout vous allez... pour avoir les gens qui... Pourquoi pas, non? Vous allez m'envoyer ça en privé, chacun de vous, ceux qui ont Appen d'installer. Dans le jeu, hein, bien entendu, pas dans la vraie vie. Moi non, du coup. Et... Non, mais en privé. Ouais, ouais, je sais. C'est pour ça que je dis. Vous m'envoyez juste un message en privé sur Discord pour me dire, pour me dire ça. Genre tout de suite? Genre tout de suite, ce serait bien tout de suite. Ceux qui n'en ont pas, ils font rien. Et voilà, et du coup, mais je vais vous abandonner là. Okay. Mon Dieu. Je vais vous abandonner là puisque il est minuit et comme on avait prévu, c'était des parties de 3 à 4 heures. Et minuit, l'heure du. Okay. Il est minuit, l'heure du zizi, oui, exactement. Du coup, messieurs dames, je vous fais des bisous. Puis je vous remercie pour ce soir, même si vous avez absolument pas été sage. Thanks. Hein. Juste faire un prout. Voilà. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine. Oui. Pour continuer. Ce qui devait être une partie d'introduction qui va se transformer en 3 ou 4 streams entiers de 3 ou 4 heures. C'est dingue. Pour faire juste un scénar d'introduction, c'est absolument parfait, je vous aime. T'avais qu'à pas faire enfuir le mec, j'aurais pu le trouver, merde. Du coup, eh ben, le stream, on va vous faire des bisous à vous aussi. On se retrouve pour ma part plus tard. Vous pouvez suivre. Alors, j'ai la flemme. Vous pouvez suivre tous nos joueurs sur Twitter, sauf David. En plus, j'ai une chaîne Twitch. Donc, on a Dedra, c'est @chubbybat. On a Sig. Attention. Oui. Bonne chance, prends-toi le bien. Sig Parthenosissus. Yes. Et Inis et Init7 2 grâce, donc 2 avec le chiffre 2. Ah, c'est ça. Et la grosse. Et quoi? Et la grosse. Oui, donc, la, grâce. La grâce comme la grâce, hein, la grâce. Ils auraient pu dire lol, PTDA, grâce la vie, là où ils font le parfum, lol. Mais voilà, je vais mettre un accent sur le... Non, mais de toute façon, je mettrai les hâtes de tout le monde dans la description YouTube. Mm-hmm. Pour les gens qui veulent mettre. la semaine prochaine, normalement, on aura le layout de stream final. Yes. Oui. Et ce sera tout. Et si, la prochaine fois, je mettrai de la musique aussi, puisque j'ai préparé une playlist de musique pour le stream. Ça va péter du cul, moi je vous le dis. J'ai oublié de la lancer au début. Du coup, quand on a fait la pause, je me suis dit ça sert plus à rien. Il n'y a pas eu de musique du tout pendant le stream. Oui, c'est vrai que c'était. Oui. Mais de toute façon, vous l'auriez pas entendu. Hein. Non, puis ça me déconcentre personnellement. Donc ça me vous entendez pas la musique, c'est juste moi qui l'entends et très très bas pour pas que ça parle plus, enfin pour pas que ce soit plus. On entend les bruits de voitures et de scooters parce que vivant moi dans le 93. On a tout entendu, t'en fais pas. Voilà. Super. Y compris les voisins qui gueulent. Y compris les voisins qui gueulent. Et les voisins qui baissent aussi. Non. Non, ça va. Voilà. Donc du coup, je vous fais des bisous, les gens. Le stream, on se retrouve très bientôt. Je streamerai probablement demain ou après-demain ou peu importe, on s'en fout. Et donc la prochaine partie ce sera dimanche prochain à 21h. Voilà. Donc, du coup, des bisous les gens. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Bisous. Wouhou.